Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Canal Sud. .2 FM ou canalsud.net. Sud. Un ping-pong avec une petite chinoise. Une vertu qui s'évertue à divertir. Ce fluide qui coule. Battement du remous de la vie, un marteau piqueur, un pilon qui s'affaiblit, des pas incessants, des viens qui ne cessent, des vibrations, Salut le coq. Vous êtes les bienvenus. Thank you. Vous êtes sur le point d'aboutir. À une complète compréhension. C'est tout juste le moment de comprendre. Installez-vous, vous êtes bien installé, c'est bon. Oui. Et dans votre canapé, devant la télé, vous êtes bien. Pour tous ceux qui aiment les films muets. Présenter cette émission radio. Adaptation. Désorganisation. Déconceptualisation. Il faut déconstruire pour mieux construire. Fonctionnement anormal. Fonctionnement normalisé. Pendant ce temps, Seigneur Dieu, God malchant, tout le monde a entendu la vérité, sort de la bouche des connards. Pute. Et autre enculé de merde. Trisomique. Teubé. Ablation. Mononucléose. Virus, parasite, interférence spatiale, stellaire serait le mot le plus adapté. Tu m'appelles Stella ? Stella Artois ? J'aime t'insulter quand tu ne m'écoutes pas. Je suis derrière toi, le couteau ardent. Au fond. Créer quelques effets à la voix. Où sont les machines? Où sont les machines? Le chocolat est dans le sac. Et le caca est dans le cul. Ça, c'est du sérieux. Dis-moi, petit gars, quel est le sens de la sentence écrite sur ton tableau ? La mort va. Le corps va, la mort vit. Ah oui. Ouais. Tu t'entends bien ? Laisse-moi lire dans tes yeux. Et toi ? Très bien. Avec moi-même, depuis tout petit, j'ai eu du mal à m'entendre. Je t'ai écouté souvent, je t'ai attendu. Toi au sourire d'enfant et aux yeux ardents, encore une fois ce mot ardent, ardent, ardent, la chaleur. Qu'est-ce que j'aime ça ? Qu'est-ce que j'aime ça ? C'est normal, tu viens du soleil, petit beurre. Un pays ensoleillé. Si on devait te donner un nom de scène, quel serait le... Termite des sables. Termite des sables. Termite des sables. C'est vrai que ce soir on va souvent parler de. De sable. Et de trous. Dans ton pays ensoleillé, il y a beaucoup de sable. Et d'insectes. C'est pour ça qu'il y a des termites. C'est pour ça qu'on a fraternisé quelque part. Mmh. 64% de cacao. C'est de la bonne, c'est de la bonne. Et 8 degrés 6 d'alcool. Tu t'es mis ce genre de couleur ? Au noir, ouais. Je veux bien. Je savais pas que j'aimais les noirs. Le truc à côté, là. Non, l'autre truc c'est à côté. Pas du noir, ça, c'est ça. De la pisse de noir. Je veux bien que ça... C'est le ciel, là. Génial. Il y a... C'était quoi, déjà, notre nom de code ? Ombrelle. Ombrelle, ah, oui. Ouais. Ombrelle. C'était et alors, ça, je me suis pris un vieux coup d'ombrelle, là, tout à l'heure. Ah ouais ? Et pourtant, ça faisait un an que je suis tourné autour. Et voilà. Ça me penche dans la tronche. Ça fait mal, hein. Alors que toi, voilà, t'étais autour d'une ombrelle que j'avais maté depuis super longtemps. Et toi, tu l'as cassé en 10, tu n'as rien à foutre, quoi. C'est dégueulasse. Et moi, je veux passer derrière, je vais faire quoi ? Ouais, c'est sûr, derrière Paris, on passe pas. T'inquiète. Il faut laisser la terre en jachère pendant un an. Reconstruction de la... Ouais, faut que ça cicatrise. Faut que la biomasse, elle se refasse. Exactement. Et après, on pourra recontinuer à labourer. Ah, qu'est-ce que j'aime quand vous me parlez comme ça. Alors, à cette table, Sion est en train de rougir parce que nous allons bientôt chanter Kumbaya, main dans la main. Kumbaya, je sais pas quoi. Kumbaya, je sais pas c'est quoi. Nous avons tous vu les épopées de certains prophètes. Aujourd'hui, nous allons reconstruire tout cela à la base par des images, des métaphores. Et comme je le disais, de la déconstruction. Il y a beaucoup de nuits où nous refaisons le monde. Et c'est sur les ondes de Canal Sud que le monde va se défaire et face à nos yeux, va se révéler dans sa beauté la plus naturelle. Naturelle. Naturelle. Il y a même pas une vie. Qu'est-ce que la nature ? Nature humaine, nature de l'homme. Nature pour l'homme, la nature, nature contre l'homme. Se redéfinit par le fait social, par la culture. Wow. Mais nous, nature. On n'a pas de culture, donc en fait, on est assez naturel. C'est vrai ? Je comprends pas. Nature comprends pas. Est souvent associée à normalisation. Concept naturel est l'association de plusieurs visions créant une normalisation d'un concept naturel. Naturel. Quand on pense à nature, on pense à... la nature. En fait, est-ce que penser, c'est naturel ? Ah, une grosse idée. Je pense donc je suis pas naturel. Prématuré, tu dis ? Pas naturel. Ah. Donc trop maturé, en fait. Tu sais, quand la bière elle est trop forte, c'est pas naturel, quoi. Ah. C'est chimique. Ouais. Ben, c'est pareil, je crois que quand on... De l'instant où on pense, en fait, on est pas naturel. Faux. Mais il y a des bières de trappiste très naturelles et très fortes, hein, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite. Au Moyen-Âge, les bières, elles faisaient pas 4 degrés. Alors, attends, il y a une nouvelle entité qui est arrivée, et peut-être que c'est la pensée d'un être supérieur. C'est sûr. Donc on attend que, voilà, que tout de suite nous sommes touchés par la grâce. Nous avons un autre côté. C'est une entité qui ne pense pas, c'est pour ça qu'elle est supérieure. Premier, qui vient d'une famille. Gisèle, t'as dit ? Gisette, c'est bien ton prénom ? Oui. C'est ça. C'est vrai que on a tendance à penser à Gisèle, mais non, Gisette. Gisette premier. Tu voudrais raconter un peu ce qui t'a amené là, On a senti le ton inquisiteur. Pamela. Pamela. Non, je ne raconterai à rien du tout. À rien. Vous êtes bien sûr FIP. Encore un être supérieur qui lui parle. C'est naturel, hein? Ça se passe pas, c'est naturel. Ah ouais, la distorsion est très naturelle. J'ai cru comprendre qu'il y avait un FL quelque part. On a entendu le son tout à l'heure quand il s'est allumé. Et ça t'a pas donné des idées? Si, si. Une corruption. J'y pense. C'est programmé. Un saisisseur. C'est pas une bonne idée. Mais si, c'est une bonne idée. Écoutez la voix de la sagesse, ce n'est pas une bonne idée. Bien joué. Tiburne nous peint un tableau de la nature de son pays. Il imite les bruits de fennec, de poisson. Ce truc voilà, c'est comme ça, c'est bon, ça. Comme ça, gloire au mort, gloire au mort, gloire au mort, gloire au mort, gloire au mort. Je joue à jouer, je me plaque, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, je me plaise, c'est les premiers effets. C'est dur de libérer son esprit. Sentir l'espace. Est-ce que l'espace se sent? Ou est-ce que le ressentiment de l'espace est un sentiment en lui-même? C'est par des phrases incongrues qu'on remonte le cré. On crée le remodèle. C'est ça, hein, tu voulais dire. À force russe? Oui, bon, moi, l'anus. Oui, ukrainienne. Force russe. Ou anusienne. On pourrait avoir toute la confrérie contre nous. Toujours pété, en silence. Très serré contre nous. Contre un mur. La confrérie. Et le cul retenu. Avec la frérie, quoi. Mais alors con, le mec. Des frères que con, quoi. En fait, c'est une confrérie de frères que con. Des frères que con, pas des frères que bon. Il a le droit d'être con avec ses frères. Il y a les frères que pont et il y a les frères que con, quoi. Ils sont que con et frérot. La confrérie. Trop de l'arsène, c'est ça? Il y a trop de l'arsène. Ah ouais, là, je crois que c'est il y a trop de l'arsène. Enlevez vos casques. C'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Bordel de Dieu de merde. C'est ta faute. C'est ta faute, Dieu de merde. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? C'est ton culé de merde. Dieu de chiotte de foutre. Tu me... Ta gueule. Ta gueule, Dieu. Ferme ta grosse gueule de merde. C'est le nouvel an demain. On a autre chose à foutre que t'écouter toute la journée. Dieu, ferme ta gueule. Et bois. Bois, j'ai dit. Prends un trip, prends du GHB. Tu veux du GHB, Dieu? Je t'aime, Dieu. Prends du GHB avec moi. Prends du GHB, Dieu. Je t'aime, Dieu. Ouais. Prends du GHB, c'est ça, ouais. Tu verras ce qui va t'arriver, Dieu. Tu verras, tu te souviendras de rien, comme moi je me souviens de rien. Ça, c'est Dieu qui gémit. Oh Dieu, dis ouais. Prends ça, ouais. Sale Dieu, va. Ah, c'est bon, tu m'as lassé, Dieu. Maintenant, crève. Crève, Dieu. Dieu, crève. Crève, Dieu de merde. Crève ta merde, saloperie de purulent de merde. Puante. s'est arrêté. Est-ce que l'on peut appeler ça de la musique? Moi, j'aime ce son, ce bruit. Pensez à tous ces petits. Ils étaient près de moi quand moi j'étais de leur âge. Et maintenant, me voilà muet, transformé. Je ne peux plus avoir de rapport, car le rapport est un rat croisé avec un porc. Il jouit de sa propre existence, ce personnage passé qui m'avait créé, mon père sacré, ma mère sacrée, le sacré sacré. Sacré quoi ? Je me crée tous les jours et j'oublie encore le passé. Je rêve. Où je marche, le jour où viendra ma course vers la lumière se fera. 2012 approche, amoureux du hepatitis halal, so eat me. Et tu peux mettre ça à germer. La naissance de l'Antéchrist. Gerbez tous, autant que vous êtes, gerbez-moi dessus. Suce à l'âme, suce mon âme, lèche bébé. Mets-moi un doigt, plus deux, plus de sensations. Pour moi le point, et tu pointes aux acédiques. Pointe, comme ça. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Perpendiculaire à la côte. Je suis choqué. Téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Moi encore, chérie. Il est 9h24. Là, ça m'est léché la. Et bientôt 2012. Donc la Coupe du Monde de foot en 2012, non ? Il n'y a pas une Coupe du Monde de foot ou. Il y a des élections en 2012, des élections, excusez-moi, je me suis trompé de truc. Les élections 2012, élections présidentielles. Ah, je me suis pas désinscrit. Bah, moi je suis pas inscrit, donc qu'il allait se faire enculer, c'est pas tard. Que la chèvre ne s'est toujours pas retirée. Ne parlons pas de politique. Parlons de bites. Oui. Et de félins. Qui ont des bites aussi. De ta bonté. Vous avez vu 1984 des rats morts dans la chatte, vagin infecté de pus. Mais non, ça sent les pertes blanches, pas noires. Citoyen, qu'est-ce que tu veux noir. Elle se laisse aussi les pertes blanches. Tu veux du Coca-Cola, c'est blanches, ça plus, jaune, vert. Pas de marque, marron, attention. Café au lait, cappuccino, marque, violette de bleu. C'est un jeu de merde. Offert par le Mac, Mackenzie. Macintosh, Apple. T'es à quoi au dieu de merde, petit peu. Ouais, t'étais dans ton pays ensoleillé avant, t'avais pas besoin de grand chose, maintenant t'as des dieux de merde. Tu t'es fait avoir. C'est ça qu'on fait, quoi. Avec les plus défendus. On l'insère dans le système digestif en profondeur, comme du fibre optique. C'est vrai que je me rappelle encore en ce moment-là où je suis arrivé. J'ai lancé la main droite, elle faisait plouf. La main gauche, elle faisait plouf. Et de plouf en plouf, comme ça, je me faisais porter par les courants. Et puis. Et t'es arrivé jusqu'ici. Paf! Je t'ai connu la tête. Et j'ai le chien. C'était où? C'était la Bretagne ou c'était Marseille? Je me rappelle pas, comment t'es arrivé? Je me rappelle pas. On rappelle juste de. On frappe la merde. Un dieu qui se rappelle pas d'où il vient. Mais... Je fais comment pour écrire là-dedans? C'est un combat. C'est avec les héros. Bah. Je peux pas faire un dieu de merde? Non, charismatique. T'as pas fait plein de longs mots. Là, on ressent. J'écris quoi alors? Bizarre. C'est con, faut le dire. L'écrire. Je me défecter. Tu marchais pas sur l'eau. Non. C'est pas toi ça. Non. Il m'est arrivé de flotter. Quelle horreur. Flotter, je veux dire. À mon avis, ça doit arriver avec le jugement. Ah, le maître de maison, veux-tu t'asseoir près de nous? Je voulais remplir mon verre. Mais tu veux pas rester avec nous? Tu le veux le remplir de Dieu de moi? Vas-y, shoot-moi. Tu as bu tout le breuvage. Bon, amour, je t'aime, je suis pour moi. d'accord. Tu me connais. Oh mon dieu, j'avais bu tout le breuvage. C'est petit beurre. C'est un biscuit sec. Comme une éponge. Et après, nous irons foutre la merde en ville après avoir mis la merde dans le canal. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Alors, comment on débouche le canal sud? Avec de quoi? Bah, avec un god. Avec un god anal, tu débouches le scud anal. Je mets pas un explosif derrière pour que ça rentre? Bah non, justement, c'est le scud, c'est ce que je te disais. Le scud, il est déjà, c'est comme un suppositoire, sauf que c'est pas une supposition, c'est sûr. C'est dans le cul, tout au fond. À droite ou à gauche? C'est du tangible, quoi. C'est à gauche, je crois, tout au fond à gauche. Okay. Tout au fond, hein. Je le baise. Va te faire niquer. Tu peux me passer le Coca-Cola rouge, comme le McDo vert, mais sauf que le Coca-Cola, il est rouge. Ah oui, c'est vrai. Et c'est quelle marque pour Halloween? Si, il y a une marque, c'est Mormois la bite avec les dents. Ah, d'accord, c'est la citrouille. C'est Halloween quoi, c'est pour Halloween. Ouais, okay. Je viens de sortir ça. C'est vrai que ça me faisait peur quand j'étais petit, la citrouille. En fait, c'est ça, c'est Mormois la bite. Souvent, ouais, quand on parle de se faire mordre la bite avec les dents, ça fait peur, on sait pas pourquoi. Et je me suis toujours dit, c'est bizarre, t'as vu, c'est bizarre. Et donc, je me suis dit ça une fois, tu vois. Et depuis, j'ai pas changé quoi. Je me dis toujours ça des fois, c'est bizarre des fois, tu vois. En fait, tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que c'est bizarre. Bah, l'étrange aux étrangers, tu vois ce que je veux dire. Ok, bah, t'as toujours quelque chose à me dire en fait, même si t'expliques rien. C'est bizarre. Le rien, c'est intéressant, tu vois, c'est comme le nihilisme quoi. Mais en fait, regarde, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. On est en train de développer grâce à lui. Ouais, mais c'est pas développer qui est important, comme il disait tout à l'heure, c'est défaire, c'est démettre, c'est défoncer, c'est détruire. D'accord. Mais j'en fais des fois, de temps en temps. C'est vraiment quand il n'y a pas de boulot, hein. On démolit. C'est bien d'être payé pour ça, moi je le fais par plaisir, moi, tu vois. Ah ouais? Tu fais la politique? Non, je détruis la vie, tu sais, humaine, quoi. Attends, allez, par le mental. La politique, dis-moi, pour détruire des vies. Par le mental. D'accord. Non, je suis pas d'accord, je suis pas forcément d'accord avec toi, tu sais. Ah, et c'est offensif, ça. Dans la convention, c'est allô chez nous. À lui. J'avoue que la vie n'a pas de sens sans la mort, et la mort n'a pas de sens sans la jouissance. La jouissance de la mort, donc. Comme petite mort. Ouais. Ou on essaie de s'entraîner le plus qu'on peut à la petite mort. C'est un peu à s'habituer à son but ultime. Tu parlais de bite? Ouais, il s'habitue avec sa bite. Ah, sa bite, à tuer, donc. Ouais, à tuer avec sa bite aussi. S'habituer. Mais une petite bite, c'est la mort aussi. Tu peux tuer avec une petite bite aussi, t'inquiète. Ben, ça fait une très petite mort. C'est vrai. C'est pour les ceux qui ont peur de se lancer. Une petite bite, en fait, ils meurent moins vite. Sauf s'ils se la prennent ailleurs que dans le nez. Ils meurent plus brutalement. Mais moins doucement, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, donc ça, je suis d'accord avec toi pour une fois. Il n'y a jamais aucun avantage en fait. Bah si, tu meurs. C'est ça l'avantage. C'est, t'es mort quoi. On attend tous ce moment-là. Quoi, avec impatience, j'avoue. L'avantage de l'avant-étage quoi. T'es juste avant. Juste avant la mort. Avec une fervente intimidation et une piètre. Ah, ça, c'est compris dans le. Intimation quoi. Moi je pense que la vue d'un cataclysme, d'une destruction totale de toute forme de vie humaine sur Terre. Cataclysme peut, donc peut augmenter l'espérance la de vie et l'achat et toutes ces jouissances de la vie terrestre. Aluminium. De au moins 400%. Votez pour moi. En tant que. Le réservoir à charbon. C'est à moi. C'est à toi? Oui, c'est à toi. L'être dit supérieur peut s'exprimer. Moi. Ah, j'essaie de trouver le point. Cette entité est devenue égotique. Que de la merde. Elle est pas gothique, mais elle est égotique. On est tous d'accord moi, que ce soir, moi, Dieu, c'est moi. Moi, c'est moi qui ai dit ça, toi. Non, moi. Non, attends. Ouais, merde. Pour faire Dieu, faut le faire dans le rythme. Je suis d'accord avec toi, merde. Moi. Merde. Moi. Merde. Moi, de la merde. Moi, de la merde. Moi, de la merde. Non, moi. Moi, je suis de la merde. Non, moi. Moi. Non, d'accord, toi, t'es de la merde. Moi, plus. Parce que moi, non, c'est plus dégueulasse. Non, je suis pas d'accord. Allez-y, partagez-vous la merde. Je suis pas d'accord. J'en veux pas. Tu peux te la garder. Tiens, cadeau. Garde-toi la merde, espèce de politique arvéreux. De quoi? C'est toi qui as parlé de politique, là. Ou c'est peut-être lui, et c'est peut-être elle. Je sais pas, c'est qui, mais... Non, non, c'est pas moi. Tous les butettes, ils sont culés. Ouais. Elle le dit pas, mais elle en fait. Que dis-tu? Et qu'est-ce que tu disais hier sur la politique? Je ne sais pas. Que c'était... Je ne sais pas si on s'est vu hier. Je t'ai parlé, Dieu. Oh Dieu, tu me réponds? Oui, oui, Dieu. T'écoute, mon fils. Mais non, oui, moi pas toi, tu es ton créateur. Oh, putain, y a pas moyen. Moi, moi. Ouais, si tu veux, tiens, Dieu, Dieu, viens là, s'il te plaît, justement, parler de tiens, est-ce qu'on parlait tout à l'heure, Dieu? Je t'écoute, je vous écoute. Ah, non, mais. Bon, d'accord, c'est tendancieux, mais tu tiens le GHB de tout à l'heure, est-ce que ça t'a fait effet? Ah oui, Dieu, c'est parfait. Ne dis rien, ne dis rien, je sens la prémisse arriver, quoi. C'est bon, on y est presque. Maintenant, Dieu, ben, fais-toi plaisir, quoi. Laisse-toi aller, je veux dire, endors-toi. C'est bien. Ronfle maintenant, Dieu. Voilà, c'est ça. Maintenant, laisse-toi faire. Le monde apparaît à mes yeux comme un arc-en-ciel. La lumière se dilate. Oui, Dieu, je t'aime. Elle se dilate très fort. Je t'aime tellement, Dieu. Je sens les nuages. Moi aussi, je vous aime. C'est lui qui l'a pour nous. Non, mais mes chers fidèles. On a amadoué Dieu. Oh Dieu, oui. Dieu. Mais je suis de votre côté. Dieu. Vas-y, brosse-le. Dieu. Je Dieu. Suis de votre côté depuis Dieu. Toujours. Dieu, prends ça, Dieu, oui, Dieu. Oui. Dieu, oui, Dieu, prends ça. Il y a de la place comme il est pieux. Tout le monde dans mon cœur. Comme il aime pieusement son Dieu. Oh, je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. Je suis Dieu. Ouvert Dieu. À tous. C'est odieux d'aimer son Dieu comme ça. Dieu. Fiste-moi Dieu, fiste-moi Dieu, Dieu fiste-moi. Tous les coups de vierge. Regarde comme il aime ça. Mais Dieu, t'es vierge du cul. Mais Dieu, t'es vierge du cul, Dieu. Tout ce matériel. Mais ah c'est beau Dieu, je t'ai dépucelé du cul Dieu. C'est beau Dieu. T'es vierge du cul, t'étais vierge du cul avant moi Dieu, c'est beau. Ah je t'aime Dieu, oui. Lâche-moi la bite, lâche-moi le sang avec la bite. De la bite je veux dire. Lâche-moi, ouais, c'est ça, vas-y, t'as compris, ouais. C'est bien, Dieu, lâche-moi la, le sang de la bite, là, qui est dégueulasse et qui pue la merde. Lâche tout ça, Dieu, oui, c'est bien. Ah, c'est beau, je t'ai dépucelé le cul, Dieu, putain, c'est trop beau, tu sais. Allez, retourne à dormir maintenant, GHB et tout ça. Tu veux une trace de GHB, Dieu? Tiens, prends une trace de GHB. Tu m'as fait écouter. Prends une ligne de GHB, Dieu. T'aimes ça, un GHB? L'éternel. Dieu. L'éternel. Qu'importe l'ivresse pourtant qu'on ait la tendresse. Pourtant. Vu ? Peu importe la bande par laquelle la coque passe, sa touche personnelle. Reste là comme un spectre divin. Sentez-vous ses doigts délicatement toucher les potards virtuels. Ce langage qui ne peut plus être binaire a été retranscrit par le plus grand et le plus beau. Et le plus fort. De tous les héros. Musclor. Non, c'est Action Man. Action Man. Ouais, Musclor, il avait un tigre. He-Man. He-Man. Je te casserai en deux le bâton sur la tête. Musclor. J'arrive même plus à roter. On reconnaît là un son passé. East. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai des flashs. Des flashs mémoriels. Une flash vide, il en reste une encore. Ah, oh mon Dieu, non. Qu'y a-t-il dans ce flash? Qui va me plaindre? Quel souvenir est enterré? Quelque chose de blanc. Et de doux. Avec et touché. Peut-on mélanger ce flash, ce souvenir, avec tes yeux. C'est toi qui as crié? petit bâtard. Ah putain. Je peux avoir le cendrier s'il te plaît? Merci, c'est interdit de fumer ici. Défense de fumer, alors vous allez tous éteindre vos cigarettes et vous taire maintenant. Compris? C'est du sock and bass. C'est comme ça qu'on dit. Et pendant ce temps-là, il y a tout le monde qui hurle dans les prés et dans les vaches. On aimerait faire un album pour vous, comme ça vous nous donnerez plein d'argent. Oh, biquette, ma biquette, oh oui, t'aimes ça, hein, biquette. Hein. Oh, ma biquette, oh, ma biquette, oh, ma biquette. Oh, ma poulette, allez, poulet, t'aimes ça, le poulet, hein. Allez, poulet, t'aimes ça, vas-y, hein. Donne-nous les phrases et on les chante pour toi. Bourre-moi l'anus avec ton doigt, bourre-moi l'anus avec ton anus doré qui pue. Bourre-moi l'anus, va te faire enculer, tu pues de la gueule, va te faire bouffer la bite par des moineaux crevés. Vas-y viens que je te donne mes chlamydia. Vas-y viens, donne-moi la main, nous irons là-bas, ouais, dans le ouais. coin, au plus profond de l'obscurité. De l'obscurité de moi. Tu viendras et tu sentiras. Et je sentirai tu les pieds. Et le cul. Profond, le trou du l'amour, cul. L'amour, l'amour. L'enculé de merde qui pue de la bite. Celui qui dort, l'amour, gloire et la beauté qui pue de la merde, qui pue de va se faire enculer de merde. Ça chie dans la merde qui va foutre le dieu de merde, puant de merde, enculé. Joyeux Noël, joyeux Noël, Jésus, t'es mort, Jésus, ouais. Jésus, t'es mort, enculé, va. Bâtard. Bâtard de Dieu, va. Moi je suis déçu parce que depuis ça, de depuis que t'es mort, et ben, j'ai plus le droit de faire des croix avec du bois. J'ai l'envie. Je peux faire que des croix avec ma bite. Les charpentiers ont plus le droit de faire des croix, ils font des trucs maintenant. Ah ouais, je me fais des trous de balles aussi. On ne voit des croix sur rien en fait. Je me fais des vagins en bois et des bites en bois normal quoi. Moi je connais des menuisiers, ils ont fait des trucs comme ça au lac. Hein. Ils ont fabriqué des godets en bois. Carrément, bien poli. Ils ont des goûts de luxe en fait. Voilà. De l'ivoire. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une part de Dieu là-dedans. Ah, de l'or, du métal chirurgical. C'est une opération chirurgicale. Oh, mais l'or en chirurgical, pourquoi? Que s'insérer un god dans le cul. Insérer d'une pullulence toujours ratée sur la transversation de la transversale. Donc nous a transité en ferveur de la passion Nance, donc sur la gare du quai Azerty. Le QWERTY n'étant pas démodé, la bourse est toujours dans la bourse, donc elle est molle aujourd'hui, car la bourse n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Comme la météo, elle bouge, elle fluctue. Moi je préfère te mettre contre le mur. Et la bourse, on la prend, on encule, et on se plaint de thunes. Tu ne diras pas d'arienneté. Tu sentiras au plus profond de ton cul, divinité. De ton cul, la bourse, mort, molle, pion. Ouais, je suis mort et je suis un pion. Tant mieux que je sois mort, je suis un pion. Tant mieux que je sois un pion, comme ça je peux mourir, moi. Personne ne me sera là, oh, merde, il est mort et tout, tu vois. Je suis qu'un pion. C'est bon. Mort, viens avec nous. On peut me sacrifier même. Sacrifiez-moi, je suis un pion. Ouais, moi, un volontaire pour être sacrifié. Moi. Moi. Je commencerai par le plus sage entre vous. Asseyez-vous. Bouche ouverte. Anus en fleurs. Fleurs de brocoli ou de choux. Fleurs. Je vais boucher. L'action de vos illusions, bande de prêcheurs! Ouais, c'est vrai ça d'abord. On s'est pas présenté et on leur dit plein de conneries. Qui nous respectera? Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Donc vas-y, à coque, lâche-toi. Hein. C'est qu'il y a de la... Quoi? Il est vrai qu'il a toujours attendu que tu lui demandes. Il a attendu? Il a attendu longtemps. Maintenant? Maintenant, vas-y, mets-le maintenant. Vas-y. Maintenant, tu le mets le son qui tue maintenant. Donne-nous. Je veux mourir. Donne-nous. Je le mets dans la baignoire, vas-y. Donne-nous. Mets-le à fond. Donne-nous. Vas-y, donne-nous le son donne-nous. Qui tue. Donne-nous, donne-nous-le. Donne-nous-le, on veut dans les donne-nous oreilles. Là. On l'a. Semence. La semence divine. Vas-y. Divinatoire, oh vas-y, dans la semence. Mets la semence dans la semence. Transpire. Transpire des watts. Tu transpires des watts, mec. C'est trop fort, on n'entend rien. Trop facile. Y'a plus rien, c'est nul à chier, tu sais. C'est de la merde ce que tu fais. Ça a toujours été que de la merde, je te l'ai toujours dit. C'est une belle simulation. Sinon, moi je suis ton père, tu le sais maintenant. Et tout ce que t'as fait toute ta vie, c'est que de la merde, tu sais ça, hein. Hein, mon fils et ma fille, hein. Vous savez que c'est que de la merde ce que vous faites. Moi, votre père, je le sais, je vous connais depuis votre naissance. C'est que de la merde, vous avez fait que de la merde toute votre vie. Et c'est foutu maintenant, vous allez pourrir. Et vous êtes déjà pourri d'ailleurs, vous êtes des pourris gâtés en plus. Vous savez rien faire par vous-même. Vous êtes de la merde pourrite, de riches, d'enculés de race, de chiottes de merde. Alors crevez! Crevez de merde, putain. Quoi bon? Non, pas bon, c'est pas bon ça. C'est jamais bon. C'est pas fait pour être bon ici. On n'est pas fait pour s'amuser, nous. Non, moins fort, moins fort. Encore qui nous écoute, vous nous entendez pas, n'est-ce pas? Donne-moi la main. Tu vas comprendre ce que c'est d'être unidirectionnel. Unilatéral. Elle est où la terre là, hein? Tu décolles, hein? Tu flottes. Éloigné et visible. Crevez les abcès. Des petites personnes. Incompris du reste du monde. le marmoulin se branle scrupuleusement. Dans les buissons. C'est à ce moment précis que le mec il me dit mais va te faire enculer. Moi je lui dis mais oui bâtard. Il me dit mais oui mais c'est toi le bâtard. Et je lui dis mais oui c'est pour ça que je sais que c'est toi qui va te faire enculer enculé. Ma nourrice m'a violé. Tu fais ou pas? Sans un P. Non c'est à chier tu sais. Ah, c'est ouais, pas une nuisance pour rien. Hein. Alors il faut nuire un peu plus fort. Un peu plus vite. Un peu plus nuisant. Non mais là je trouve que vous vous défendez bien. Hein. C'est quoi se défendre? C'est qui c'est qui a attaqué qui là? Et toi t'arrêtes d'attaquer là. C'est la et comme ça j'ai pas besoin de me défendre. C'est ma CSA. Gueule. CSA. L'être supérieur, le CSA. On n'a pas parlé de Sarkozy encore. La maîtresse de maison. On craint rien. Il liquifie les morts pour nourrir les vivants. Non, je plaisantais quand on disait que je ne craignais rien, quoi. Tu vois, quand je disais ça, quoi. Je plaisantais en fait. Non, Seigneur Dieu, non! Oh non! J'ai peur qu'il me saigne, hein, le Seigneur. Franchement. Le Seigneur saignant, quoi. Bon, dès qu'on m'a dit le Seigneur, là. Ça va être pour ta tronche, quoi. Qu'est-ce que... Voilà, ouais. Quelque part, il en a après quelqu'un, tu vois. Ou quelque chose. Ouais, il veut saigner, quoi. Voilà, il veut se saigner, peut-être. Alors, voilà, il veut se saigner. Il veut se saigner la bite. Son sang, mais il faut qu'il y ait du sang qui coule. Alors, en fait, le sien. C'est le seigneur de la bite, quoi. Quelque part, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il est unidirectionnel. Est-ce que je peux avoir du blanc en forme liquide? Du blanc en formica? Tu veux du corps liquide? Fais chier, on comprend rien, des textes super importants derrière, il y en a deux là, ils sont super importants, ils sont primordiaux et on n'entend rien. Hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment vraiment dommage qu'on n'entende rien. Hein. Non mais c'est vraiment important qu'on entende tout quoi. Tout. T'entends, il faut qu'on entende tout mec. Et j'en ai rien à foutre que t'aies quelque chose ou pas sur toi. Moi j'en ai rien à foutre, t'entends? Moi ce que je veux, c'est que tu fasses ce que je te dis, c'est tout. Tu vas obéir, t'entends? Sentez-vous la castration en public? Nous sommes tous des dieux. Nous n'en faisons tous qu'à nos têtes. Les jambes écartées sur la table, j'ai entendu ces cacahuètes brisées. Sentez-vous les coups de marteau? Et oui, nuisance. Traverse les ondes. Pour vous faire sentir plus. Toujours plus ou moins. La même chose. Et c'est à ce moment-là que le mec il me dit mais va te faire enculer. Moi je dis mais oui d'accord, d'accord, c'est bon, j'y vais, d'accord. Non, non, ça va. Bon, va te faire enculer. Je te baise. C'est bon, encore, encore. Oh oui. Okay. Voilà, c'est mieux, on entend tout maintenant. C'est qui parle au plus profond de la contrée éloignée là? En tout cas, il nous baise. Un Dieu. Fanatique religieux. Moi, je sens rien, et vous? Je sais pas, j'ai pas roulé ma clope encore. Attends, laisse-moi la goûter et ensuite je te dirai si je sens quelque chose ou pas. D'ici un quart d'heure peut-être. Et t'as pris, enfin tu vois ce que je veux dire, ouais. Ça fait combien de temps? Trois quarts d'heure? Trois quarts d'heure qu'on va commencer à sentir tout ça. Ah t'inquiète, ça va marcher là. Et tu sens des pieds toi? Ah putain de merde. Ah moi aussi, hein, c'est pareil, j'adore ça moi. Et le cul, tu sens du cul aussi? Moi j'adore sentir le cul, putain, ça c'est bon ça. Sentir les culs des gens et tout ça. Ouais. Mais si je m'écoutais, moi ce que je fais d'ailleurs, je lâcherais tous les culs des gens, tu sais, à chaque fois. Je lâcherais leur cul tout le temps. Quelle idée aussi d'accrocher ce truc énorme sur cette chaise. Tu veux dire les deux fesses là? Ouais. Ouais, c'est chiant putain. C'est comme un anus sauf que c'est entouré d'un amas globulaire quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi ça me travaille l'hémorroïde. Carrément, moi c'est les boursouflures qui me font chier surtout. Les boursouflures dans le cul. Donc on voulait vous souhaiter la bonne année, tu sais. La bonne année et... Ouais. Ouais, je sais ce que vous voulez dire. Ça c'est pas, ça vaut pas le coup en fait. Non, c'est tombé. Non mais vous avez raison, c'est tombé. De toute manière, nous allons tous mourir. Ouais, tant mieux d'ailleurs. Enfin. Ça va, vous faites tourner mon briquet, hein. Vous faites pas chier, quoi. Je vois. Tu t'es mis à l'italien, ça y est. Ah, tu me fais rire. Tu m'as fait chier, là. T'as pas le droit de me faire chier. Y'a que moi qui ai le droit de faire chier des gens. C'est pour ça que ça s'appelle nuisance. C'est moi qui paye la cotise tous les mois et tout ça. Oh oui, c'est bon, ça va. C'est moi qui paye la cotise, les gars. Hein. Envoyez vos dents à Canal Sud. Et qui c'est qui a acheté du rhum et tout, là? Hein? C'est moi, hein? C'est pas vous, hein? Ouais, mais tu t'es augmenté de 140%. J'en ai rien à foutre. Argent de Canal Sud. Je dis, le panier de ménagère devrait être je vais t'en faire jouer du fif. Ouais, vas-y, fais-moi jouer dessous toi. Je te montre un petit peu là. Ouais, bah, ça fait bien, non? Si tu veux, je fais des broutages. Là. Va pas si vite. Respecte-toi. Je n'ai rien à foutre. C'est rien, c'est subjectif le respect, tu vois. Je me respecte en fait en faisant ça comme ça. Je t'ai filmé, je vais te montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde les parties fines que tu fais. Filme-moi ta blague, je suce ton gland, je suce ta bite, ton gland qui pue la merde. Après moi, ah, mais ça c'était tout à l'heure. En fait, Ali nous a invités, mais il fait son émission parallèle. Il a déjà fait ses enregistrements, il a tout prévu. Ouais, j'ai tout prévu, ça fait 10 ans que je prévois cette séance. Et maintenant, voilà, vous êtes tous piégés dans mon truc, tu sais, et vous allez tous crever. Vous allez tous crever, ouais, c'est ça, exactement, parce que je le veux, c'est tout, c'est comme ça. Libère-nous de notre douleur d'être un être. Libère-nous, toi, grand prêcheur. Toi qui as la vérité en toi. Vas-y, arrose-nous de tes entrailles. D'accord, ça marche. Tiens, c'est fait. Apprécie. Que j'aime ta cervelle. Ah, que j'aime ta ferveur, doux serviteur. Avec les démons angelots, alors moi j'aime pas les corvées. Le prêcheur, il reste cool. Ah ouais? Non, t'inquiète, on va se couper du pain, nous entend pas. 3 bouteilles de pif et nous on le. Quel délire! Il nous entend pas, t'inquiète. On a un GUFI. On est à l'abri. Avec nous là-bas. T'inquiète. À moins qu'il y ait le retour dans la salle, mais. Non, mais de toute façon, moi je. Là, il est concentré, mais toi, il sourit, tu vois. Il est parti. Hein? Tu dis? Je communiquerai, je t'enverrai des messages avec des rats. Je te parlerai plus. C'est plus sûr. Vraiment, ils nous écoutent, ils sont partout. Mm-hmm. En forme de micro. Sécurité. Venez nous prendre. Fais gaffe, ça arrache. Hein. Sois fort devant le micro. S'ils voient qu'on est fort, ils vont se barrer. S'ils sentent la peur, c'est pas fou, ils vont tout écouter. C'est de la merde. Quelle couleur a ton micro à toi? Moi, il est bleu, c'est la couleur de l'esprit. Le mien, il est jaune. C'est la communication. Fais gaffe à celui-là. C'est quoi la couleur? La couleur de la mort, c'est quoi? Rouge sanglant, non? C'est la même couleur que la bite ou pourrie ou plutôt fraîche, quoi? La bite, je ne crois pas que ce soit le symbole de la mort. Si, non, mais la couleur. La marage, elle est noire. C'est noir la couleur de la mort. C'est noir comme la merde. Voilà. C'est le truc que t'as à la bouche, là? Non, c'est intéressant en fait. Retire-moi ça tout de suite. Bah, vaut mieux, ouais. Oh yeah! Alors, je l'ai retiré, maintenant j'en fais quoi, tu sais? Je te jette à la gueule, c'est ça? Little baby! Ah, il comme c'est pas. Touchant. On peut dire comme quand il remet son casque, il n'entend pas ce qu'on lui dit. Hein? Oh yeah! Little baby! Oh yeah. Oh yeah. Et du coup, si tu mets une grosse bite là-dessus, je pense que tu peux avoir un effet extraordinaire. Une grosse bite. Comme une orange sanguine. Comme la mienne ou la tienne ou plutôt celle de Dieu quoi. Plus grosse que ça encore. Ah mince. Écoute, ça fait peur. Hein. Ça fait très peur. Hein. Tu peux le modifier à tes désirs. Il a assigné la grosse bite à toute la pattern. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sur la grosse bite. Je pense que sur le la voix, ça peut être intéressant. Non, la voix, c'est sur moi, en fait. Des dieux qui ont échoué. Quelle merde, ils étaient tous emballés. C'est leur CV en fait, ils sont les seigneur. Je me débarrasse de tous les mots de tête. Ils sont perdus. Apparition. Le membre, blablabla, encore des apprentissages, dernière, faisant par l'envers de l'accélération. Des CV à l'écran, des CV sur les ondes, des jambons, des CV pour la femme, elles sont gentilles avec moi. Des CV pour eux-mêmes, humide ou sec, mais c'est bon, les interceptions, c'est maladie, tout le monde entre les mains. Ça leur scène. La lampe à ta vie. Vas-y, Dimitri. Vas-y, continue. Je pose la question. Voilà, c'est là. Là c'est parfait, news. Merci. Il y a Laura qui met des doigts. On le dit à tout le monde. Attends. Tu veux pas aller coucher? C'est quoi? Une demi-douce. Allô? Ça ne se suffit pas du tout. Pas du tout. Allô? J'aime pas ton écriture. J'aime pas ce que tu fais. Si, merci, ça marche. Ça fonctionne. Je n'entends pas. Tu répètes? À la bonne idée. T'as dit que tu voulais quoi? Malheureux. Un. Des quoi? Tiens. Des doigts. Cesse de faire les yeux. Oui, c'est bon. Rester. Une auditrice, là, qui nous dit qu'elle voulait des droits. J'avais compris qu'elle voulait des doigts. Un truc un peu plus sensé. Ouais, je me suis réveillée à 4h l'après-midi. T'as droit de quoi? Droit de cuissage? Je sais pas. Droit d'élage. Une auditrice qui n'écoute plus qu'un cuisse ou l'air. Honey, I love you. Elle doit le droit d'élage. Un jeune coq enfermé dans une clairière. Tu choisis. Ah, ça paraît crête. Hein. Tu choisis le choix. Tout de suite. Castré par 15 000 poulettes. Tête mon sein, ouais. C'est bon. La belle peau dégoulinant de lait et de sueur. Pauvre de lui. L'homme qui se transforme en femme pour réussir à se cacher de ce prédateur. Le cul avec un gant de toilette ou plutôt. Hallucinant. Nous sommes prédatés. Où est-ce qu'on est arrivé? Sur la tête. Eh bien, bientôt à la date, chose. 2012. Ah, c'est ça. Prédaté. C'est une date de pire en chien. Quelle chose, quelle horreur, quelle tristesse, quel bonheur. Je serai fier de lutter auprès de toi ce jour-là. Tu seras plus apte à être compris. Parce que là, l'on ne comprend rien à ce que tu fais. Et en plus, tu te fais souffrir. Quelle est la voix la plus belle? Je te le demande, vérité ou non? Non, je le dis, non. Eh oui. Et à coq. Non. Tu déchires, mec. Toi, non. Faudrait qu'on te présente là à la radio. Là, d'accord. Je t'écoute. À coq, vous trouverez son MySpace et son Facebook sur Internet. Quelqu'un de très professionnel. Ma tête, lui, est pure forme. Qui ne fait absolument rien. Il est vrai que. Il est professionnel, c'est-à-dire que on sent que c'est structuré. Il y croit, il te montre comment il va faire. Ouais. Voilà, déroule le plan. Si tu veux. Ce que tu es, Mais il ne crée absolument rien. On voit que son nom de famille aurait pu lui être utile dans le monde. Ça fait partie du professionnalisme. Le monde du teaching. Suivant, comme l'on veut. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a préféré se débrouiller de lui-même et utiliser les outils du commun mortel. Ah ouais, oui. C'est-à-dire pour se débrouiller, donc il était vraiment dans la brouille et il s'est débrouillé. En quittant tout le milieu dans lequel je me sens vachement plus débrouillé que eux. Eux se sont débrouillés, moi je suis encore débrouillé. Vraiment, quel talent. Même c'est compliqué. C'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Qualitativement parlant. Sortir avec son groupe, dans notre époque. Réel, fond de tour. Ah ben moi j'ai un nouveau salaire. Sous forme de carte bleue. Tout à fait. C'est dingue. Mais un jeune homme très talentueux. Grande taille, beau gosse. Magnifique. Des yeux très bleus. Et des boutons bling bling. C'est très important. Hein. Ouais. Ça, personne n'avait osé avant lui. Là où c'est un niveau, donc on peut dire le harcèle n'est pas là. C'est ça le mieux, quoi. Attitude. Parce que c'est le mieux. Il aimerait que sortir son vêtement d'été, c'est attraper froid en plein hiver. Bah c'est sûr, si tu mets ton vêtement dans du thé, forcément ça refroidit, donc t'attrapes la crève. Ouais, ouais. En plein désert, on se sentirait comme des lézards. Voilà l'iguane qui sort de son vivarium. Elle est morte, elle n'a pas trop de. Dis pas grand chose, hein. Ouais. L'iguane. Et de part. C'est un truc de compagnie. En fait, c'est Ah d'accord. On t'entend plus là. On t'entend pas là. Ouais, vas-y. Casse tout, oui, t'as raison. De toute manière, c'est pas nous qui payons. Quoi ? Nous serons morts. La censure, ce qu'elle se permet. Cassez tout, voilà, c'est bon. Cassez tout. C'est préventif, on casse tout. De toute façon, le maître des bottes, acheter des bottes, acheter des bottes. C'est la guerre. Il s'est caché dans une boîte. Une boîte en bois. Avec une armature dorée. Forme de bite. Un god en bois, certi d'or. Elle dessine un peu la reproduction humaine. Une grande tour qui touche le ciel et des gens qui tombent, qui se jettent. Wall Street, je crois que ça s'appelle. Babel, Wall Street. Ouais. C'est cool, non ? Tu savais pas ? Il y a encore la touche. Quelle touche ? Touche de quoi là ? Vous parlez de quoi ? Mais de quoi vous parlez en fait ? Laura. Et Laura. De quoi vous parlez là ? Dieu nous parle. La surveillance. C'est Big Brother, tu sais, écouté partout. Quoi. C'est dingue, quoi. Ah, mais de quoi vous parlez là ? Tu dis quelque chose de travers et tiens, comment parler là ? De quoi ? Le pouvoir s'est fait gagner par la censure. De quoi ça parle là ? C'est une pensée unique. J'ai pas compris en fait. Tu veux pas répéter s'il te plaît ? Ouais, t'as vu, il comprend pas. Il comprend pas, mais il veut qu'on lui répète. Ouais, vas-y, s'il te plaît, quoi. Ouais, il veut tout savoir de nous. Mais oui. Ah, il dit pas qui il est. Et pourtant, voilà, lui, il a une nouvelle invite. Quoi ? C'est ce qu'il y a ? Il écoute avec une seule oreille, qu'est-ce que vous dites, les gars ? C'est ça. J'entends rien, bordel de merde. C'est quoi ce problème ? Il est pas humain, possible. Là, on le représente avec des humains. Non, c'est pas possible, j'entends rien. Alors attends, je vais essayer de lire sur les lèvres. Ouais. Non mais il a juste fait du droit. Hein. J'ai fait du bois en fait. Mmh. J'ai fait du bois, ouais. Ouais c'est ça, j'ai fait du bois pour l'hiver, ouais, c'est ça. Ouais, t'as vu, et il essaie de se faire. Il sait que je suis charpentier. Hein, donc il essaie de. J'ai pas dit que t'étais gros PD, hein. De venir intime avec toi. J'ai pas dit ça, ouais. Tu sais, je suis pas méchant, enfin j'ai rien contre les PD. Ouais, mais franchement, on a plein de reproches à te faire. J'ai pas roté non plus, je comprends pas. De reproches. T'as vu ? À me péter la gueule, quoi. Pourquoi vous voulez me péter la gueule ? Je comprends pas. Tu en fais combien de temps ? L'insécurité, il nous la rend encore. Ouais, mais quoi, la bite, c'est ouf. Et t'as vu là, c'est dingue. La censure pour les mineurs et tout. Et les majeurs, on les oublie dans ce film. Il nous dit vas-y, par contre. Censure pour les majeurs, on en parle jamais. On peut rien faire, quoi. Voilà. C'est la censure. T'imagines, demain, là, ça se trouve, on dira bonjour plus de fois des caméras de surveillance qu'à des hommes. Mais ouais, c'est sûr, l'interface, l'homme il sert plus à rien, hein, franchement. Bah ouais, c'est dans tous les cas, c'est l'avenir. Si, il sert, c'est sympa, problème. Je lui sers la main, et c'est, ça sert. L'argent, moi je pense que l'argent va réussir à survivre à l'homme, hein. Comment ça, l'homme? L'homme, c'est qu'un outil hein, de transfert. Et finalement, l'argent, c'est la forme de vie la plus évoluée. Ouais, finalement, c'est exactement ça. Ouais, ça nous amène à des trop bonnes choses, vous voyez, tous les jours. Le progrès, c'est magnifique. Les avions, on peut voler maintenant. Comme on progresse à chaque fois, je veux dire, je peux toujours acheter plus de. Mais oui, on croit se rendre service. De machin et tout. On croit se rendre service, mais c'est. Je peux aller sur Mythique. Sérieux, c'est trop. J'ai envie de te dire. 3 kicks là, vas-y, baise avec moi ce soir. Sur la commode. Sur la commode. Génial. Je vais entendre les petites poignées en laiton qui font clac, clac, clac, clac, clac, clac. Virtuel. Mais c'est magnifique, moi je. Mais c'est beau. On a créé quelque chose de extraordinaire. Mais quelque chose qui dépasse l'être humain. Voilà. Quelque chose qui nous dépasse. Le divin. Oui. Écoute. Mais l'homme, c'est quoi? Blasphème! C'est la monnaie électronique qui nous parle. Mais oui! Le chaos. Blasphème! RFID. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? En fait, tu parles. Faut pas lui consacrer. Qu'est-ce que tu dis à moi là? Tu parles quoi là? J'entends rien. Je comprends rien de ce que tu dis là. Comme ça me coule dessus. La puce, c'est ma fidée. Je t'écrase avec mon cul. Tu t'as dit que je puais, tu sais. Non, mais... Je vais me faire enculer alors, c'est vas-y, ça. Vas-y, va te faire enculer. D'accord, je vais me faire enculer, d'accord, sérieux, ça marche, je vais me faire enculer. Tu parles dans mon dos, je vais le faire, hein. Je vais le faire, t'entends? Putain. Je vais le faire, hein. Il est tout seul, tu t'en souviendras toute ta vie. Il est tout seul. C'est toi, tu t'en souviendras toute ta vie si tu vas te faire enculer. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie de toi, qui m'encule, ouais. Toute ma vie. T'as vu, t'es content maintenant? T'as vu ce que tu m'as fait dire? Devant tout le monde! Je me marche, devant les petits, devant les grands, devant les moyens. Mais dans mon dos toujours. C'est pas moi qui te parle, c'est Dieu. En ce moment, vaut mieux être petit ou moyen pour pas trop morfler en 2012. C'est un bon dos, Dieu. Moi, hein? Je pense qu'il faut arrêter hein, d'être, Dieu? Hein. Oui, évidemment, mais moi, je dis, il faut qu'on dit qu'il vit au cul. Et qu'on reprend rien, on comprend rien. Il faut être un homme fluide, c'est ça va pas être possible, les gars. Il faut être à voile, à vapeur, et petit. Il va falloir partir maintenant. Il faut partir maintenant, les gars. Maintenant, il va falloir partir. Le folk. Est-ce que je suis obligé d'acheter un chien pour être moyen? Excuse-moi, mais là, il va falloir que tu partes, quoi. T'as été trop loin, là. Par rapport à quoi, t'as été trop loin, je trouve que t'abuses par rapport à la situation économique du chien. Non, mais ça nuit pas. Si, ça nuit, mais justement, tu vois, nuisant, c'est qu'il faut pas exagérer, tu vois. J'en ai marre. Et là, c'était marre. Trop. Mais j'en ai trop. Excuse-moi, mais là. Mais c'est quoi ce monde de merde? Excuse-moi, mais là, je t'appelle D. Oui, et D, marre. D, ça va être trop. C'est trop, en fait. C'est trop. Alors, voilà, faut arrêter c'est maintenant. Dans les tropiques, quoi. Quand c'est trop, c'est tropico, quoi. Non, arrête avec tes marques, mais arrête. On va se faire niquer la gueule par des métèques, ça et des sales rebeux. Ça n'existe plus, c'est une religion que nous avons. Des islamistes. Écrasés. Des islamistes, pardon, on va se faire niquer la gueule par des islamistes terroristes. Les islamistes, bon. Et après, toi, tu me parles de nature humaine. De nature humaine. Quoi? De nature humaine. Non, mais est-ce que tu t'es entendu parler, tu sais? La nature, c'est pas humain. T'entends? C'est pas humain la nature, tu peux pas parler de nature humaine comme ça. Et moi je suis pas d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois. Moi je suis contre. Alors non. Non, c'est tout. C'est contre la nature. Dans ton cul. C'est tout. C'est dans mon cul, c'est tout. J'en ai rien à foutre. Ah, c'est bientôt, c'est bientôt. C'est horrible. Le monde, c'est de la merde. La merde. C'est la vie. C'est l'homme, c'est la femme, c'est les gamins, c'est les grands, les petits, les chiens, la merde, c'est tout. La merde, c'est bon la merde. De toutes les couleurs. Le caca, c'est délicieux. On n'entend pas la personne qui téléphone derrière moi, si c'est possible que la personne parle plus fort, qu'on puisse l'entendre à l'antenne, ce serait bien. Non, je suis sérieux, franchement. Car la sphère privée n'a... Non, si, c'est vrai, comme ça on pourrait avoir des voix en plus. Appelez la police. Ça ferait le bordel un peu mieux. Appelez la police, il y a quelqu'un, il fait un truc, on sait pas ce qu'il fait. Il nous a drogués. On sait pas ce qu'il pense. Mais c'est vous qui en avez voulu, hein, du GHB. Je vous ai dit, là. En plus, c'est du GHB, vous êtes sûr que vous êtes sûr, hein. Je me suis dit, j'étais tout puissant. Vous souvenez pas, c'est ça. Quand je suis arrivé, et là, je vais repartir à quatre pattes. C'est triste de voir une déchéance humaine comme ça. C'est ça la nature humaine finalement. Pouvoir se détruire à la... T'avais part... raison, D. Termite des sables. Termite des sables, oui. Il préfère. D'accord, ermite des Bables. Termite des... Bables. Ours de l'Oural. Escobar. Ours polaire. Ours de l'Oural. Ours de l'Oural. Bon, d'accord. Salut, ours de l'Oural. Ça, c'est petit cochon turc. Je vais essayer de m'imprégner de ta culture. Qu'est-ce donc ? Ce sont des nanotubes en cacahuète. Ils arrivent. Oh putain, ils sont là. Bon, cassez-vous les gars, vite. Oh putain, à chaque fois, oh, j'ai... C'est pas nous, c'est pas nous. Arrêtez. Arrêtez. Non. Arrêtez. C'est à chaque année, c'est pareil. Non. Non. Ils vont nous embrasser. Ils vont nous embrasser sous le gui. Le gui, ça pique. C'est bon, ils sont partis, les gars, ça va, c'est bon, c'est fini maintenant. Non, c'est fini, arrête. Arrête. Non, reste avec nous. Reste avec nous. Pour toujours. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Ou Canal Sud.net. Ou Canal Sud.net. Veuillez vous identifier. Vous êtes sur Canal Sud. Identifiez-vous. Pour tous les pestiférés du monde, si quelqu'un écoute cette fréquence ou ce lien, qu'il nous appelle. Sur le 05 61 53 36 95. Nous savons où vous êtes. Tout à fait. Dans tous les cas, la pensée commune ne fait que vous observer. Alors appelez-nous sur le 05 61 53 36 95. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est nuisance. Non, on peut dire ce qu'on veut, là, c'est juste, ça fait un peu dramatique, tu vois, c'est tout un ensemble de choses, quoi. Ouais, c'est la censure. Il faut pas casser ces choses-là, tu vois. C'est vraiment important qu'on ait un sens dramatique. Un sens sûr, ouais. De la dramaturgie. Parce à l'heure actuelle, en France... Ah, mais c'est ça, donc en fait, la censure, voilà. C'est ceux qui ont un sens sûr, tu vois, nous, non. C'est des ascenseurs, ils ont des ascenseurs. On avait compris. Les ascenseurs ont des ascenseurs. Ceux qui ont toutes les structures et tout... Les ascenseurs ont des senseurs aussi. Oh bah à ce moment-là, vaut mieux qu'ils continuent. Hein. Moi, je peux pas. Hein, donc. J'ai toujours arrêté, moi. Moi, personnellement, j'ai toujours arrêté. Quoi. Ah j'ai ouais jamais rien commencé. C'est j'ai jamais rien. J'ai toujours arrêté les choses. Quoi. Ah ouais. Ouais, vaut mieux. Ah bah c'est sûr, tu récupères plus d'énergie. Hein, tu te reposes. Hein. Bah, t'es tranquille, quoi. Je veux dire, ça te fait pas chier, quoi. Tu vois. Tu crois que moi, je peux. Tu peux t'arrêter si tu veux, ouais. Ouais. Tu crois que tu peux y arriver, ouais. D'accord. À ne rien faire, je crois que tu peux y arriver, peut-être. Peut-être, hein. J'ai déjà un petit peu quand j'étais petit. Non, je sais pas, des fois, tu vois, dans mon coin. Non, je sais pas si tu vas y arriver en fait. Je sais pas si tu vas y arriver. C'est vraiment dur. C'est donc, vraiment, vraiment dur. T'as vu, enfin, je veux dire, je suis détaché. Hein. C'est vraiment, vraiment difficile, tu vois. C'est comme péter dans les coins, tu vois. C'est pas pareil, mais c'est presque la même chose. Ah ouais, ouais, mais ça m'arrive souvent, ça. Moi aussi, ça m'arrive souvent, mais pas tout seul, quoi, tu vois. J'aime bien le faire devant les gens, quoi. Ouais, moi aussi. C'est marrant, je trouve. Péter dans mon cul quand je suis. Ah ouais, péter dans mon cul aussi, moi je le fais ça. Moi je sais faire ça. Ouais, moi aussi je sais faire ça. Il y en a, ils apprécient, hein. Moi je me suis fait des potes comme ça. Hein. Ouais, bah faire des bulles de chewing-gum aussi avec son cul, c'est bon ça, c'est bonnard. Ouais, mais j'aime pas trop. Moi j'aime bien, moi ça colle et tout dans les poils et après tu les arraches une fois que c'est séché le chewing-gum, ça arrache les poils en même temps. Comme ça, ça t'épile les poils en même temps et comme ça tu peux. T'es présentable quoi, vis-à-vis de ton nouvel amant quoi, quelque chose comme ça quoi. Golden Lady quoi. De ta nouvelle amante avec un autre ceinture quoi, je veux dire. Enfin, ouais, un god anal tout à fait typique, quoi. Je veux dire, un double god peut-être avec ton amante. Ton amante préférée, une double pénétration, double god. Pénétration donc plus traditionnelle du terme. C'est un peu la consécration, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la sécration. Sur le chemin du con, de la testicule. C'est la sécration du con, tout à fait. Ouais, c'est ce que je pensais. Double consécration. C'est typique. C'est là vraiment pour les gens que tu aimes. Quoi. C'est typique d'une œuvre tout à fait misogyne et incandatoire, quoi. Je sais pas. Les misandres peuvent faire pareil aussi. Ouais, les merdes aussi, ça peut faire pousser du nez aussi et tout à fait en purulence, quoi. Je veux dire, toujours le bon aloi, quoi. La guerre est toujours de raison inadvertance, quoi. Je veux dire. Et les fables, c'est beau les fables. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, tu vois, tout à l'heure. Je pensais, tiens, c'est marrant, on dirait une fable un peu. La guerre, c'est ça, hein, c'est une fable en fait. Hein. C'est une fable une fable humaine, quoi. Vraiment humaine, humaniste, la guerre. Ouais, c'est vrai, c'est humaniste en fait. Mais c'est... Nous, avec nos fables, on a réussi à montrer notre humanisme à tout le monde en fait. On a le siècle des Lumières, nous, chez nous. Bah, nous, c'est en instant de lumière et ça a duré l'éternité, t'as vu, c'est ça, c'est beau. C'est la fable de l'universalité. Tu sais, quand on leur tapait dessus pour leur faire rentrer dans le crâne. C'est cathodique, je leur ai toujours dit, moi. Et d'ailleurs, depuis. Je leur ai toujours dit. Et voilà, et depuis, le cathodique, c'est vraiment la consécration. C'est ça, c'est la sécrétion du con, comme on disait tout à l'heure. L'aboutissement, donc, analyse tout à fait juste des... L'emboutissement des êtres... Ah, en parlons-en d'emboutissement, je veux dire. C'est comme ça se fait aussi de chaîne en chaîne. Ouais. Enfin, si je peux me permettre l'expression, de cul à cul, quoi. Enfin, de bouche à oreille, c'est un quoi. Peu comme cette chaîne, justement, qui répare les pare-brises. C'est ça, ou c'est tout à fait la chaîne du montage... Qui répare les fions, en fait, hein. Voilà, du c'est le parallélisme, hein, c'est un peu le reflet de dans soi. Dans le droit chemin, hein. Le fion, tu le remets miroir, dans le miroir. Qui... C'est ça, c'est avec un balai. C'est ce que l'on mérite. Ouais. On mérite un balai dans le cul, tout simplement, un droit chemin. Alors, anciennement, c'était une fleur de lys, mais maintenant, voilà, c'est le balai, quoi. Non, mais on va pas passer par quatre chemins, la symétrie totale, hein. On va pas passer par quatre chemins, je veux dire. Bah, moi, c'est bon, j'ai mon contrôle technique, hein. Bah, je me suis fait niquer récemment, ça va. Et toi, ça va, mec? F, ça va? F comme fuck, non, ça va pas trop. Quoi. Oh. F comme foutre, peut-être. Je crois que j'ai besoin d'un peu plus fort. Tu veux être plus fort? Moi, je voudrais encore plus. D'accord. C'est trop fort, ça, non? Non. Ah, tu peux y aller, alors. D'accord. Voilà. J'ai fait un rêve un jour. Un rêve incantatoire ou juste débilitant? C'était un jour, la nuit a été longue. D'accord. Ce jour-là, je rêvais. Tu rêvais à moi encore, c'est ça? Oui, à toi. La nuit, ouais. Oui, à toi. J'entends toutes les nuits en passant ensemble, je sais. À toi, omniscient, qui est toujours là, près de moi. Salut. La main sur l'épaule, et mon épaule qui devient de plus en plus lourde. Ou rigide, comme le sexe. Rigide, tout le reste de mon corps. Tous les deux, nous marchions. Comme le sexe. Nous marchions. Dans une direction bien sensée. Celle du fion. Unidirectionnelle. Unilatéralement. Le bord de l'eau commençait à inonder nos petits petons. Je te sentais là, près de moi. Oui, j'étais près de toi, tout là. Vous transpiriez des watts. Et de la watt. Ta main. Par les aisselles. Je préfère. Partie de mon épaule. Et toujours la matière. Glissante. Qui se met dans. Et puis, tréfonds de mon âme. Poisseuse. Collante comme une. Bite sanglette. Bite au cul. The bitch. Yeah. Elle me passionna et toujours transversalisation de la pensée unique en conscience tergiversable. Pourtant, La liaison. La liaison des atomes est comme la main d'un homme ou d'une femme qui tient celle d'un autre. La liaison, une énergie, incomprise à nos jours. Une physique quantique. Deux, il y en a deux. C'est beau ce que tu dis. L'unidirectionnel, le sens premier de l'homme. Aller tout droit vers le but. L'énergie a multiforme. Mon esprit, lui, conçoit toutes les couleurs. Il est défragmenté. Je vois cette énergie qui flotte autour de moi. Et ces hommes qu'ils s'entretuent. Je serai seul et je rirai de leur mort abjecte. Je suis là depuis tout le temps. L'histoire a failli m'avoir. Les vainqueurs se sont tournés. Et cette main toujours sur mon épaule. Ses regards luisaient de cette énergie. Irrésistible. Je continue à avancer au bord de cette eau. Les pieds mouillés. Je ne pense plus à rien. L'énergie a pénétré presque tout mon corps. Je contribue. Je participe. Je donne des idées à ceux qui veulent dominer mes frères. Bah! Bah! Je m'abrutifie. Bah! Il contribue. Bah! Je continue. C'est bah. Un con dans bah. Une tribu. Bah! Un con parmi tant de cons. Bah! Bah! La consécration. Bah! Bah! L'objectivité. Bah. Bah. Devenez tous cons. Bah. Construisez. Bah. Celui qui n'est pas con. Bah. Bah. Bah. Ne fait pas partie de la tribu. Bah. À la bite celui qui la mange. Si je raconte une grosse connerie. Alors tu feras parmi. Si tu la parjures. Alors tu seras des miens. Nous avons compris donc la vérité de ce monde, nous avons compris, tu m'entends Jean-Claude, la vérité donc de ce monde, Jean-Claude, tu m'entends. Olivier, on va vers le but là, Dans quelques minutes, nous allons avoir les promotion. Résultats. Les N'hésitez derniers. Pas, c'est beau, c'est mais... beau, c'est la vie, c'est un. Eric. Réveille-toi, Eric. Oh, putain, Eric. Eric. C'est ta maman qui te parle. Oh, Eric. Eric. On est en 2012, hein. Eric, tu vas te réveiller? Eric. Frappe-toi, frappe-toi encore plus fort, c'est génial, vas-y, frappe-toi, t'as vraiment envie de te faire mal ce soir. C'est bien, tu vas vraiment dans le bon chemin, c'est vraiment ce que je veux voir, des gens qui se frappent ce soir. Frappe-toi encore plus fort, que je rigole. Flagelle-toi. Je continue à marcher le long de ce lac. Ce lac tout en long. Faire le tour est pour moi inconcevable. Je suis hypnotisé par cette énergie qui flotte autour de moi. Les hommes ne pourraient imaginer. Ouais, y'en a marre, on comprend rien, c'est. Hein? Femme. La fin que tu as, y'en a marre, tu vois, que tu as, c'est moi. Merde, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton poème. Tu peux bien recommencer, s'il te plaît, à zéro. Allez, on recommence. Allez, c'est parti. Ça a commencé par. Il était une fois. J'ai rêvé de toi. Ah ouais, j'ai rêvé de toi. Je me souviens maintenant. Il était une fois, j'ai rêvé de toi. On a été atteint de censure. Ouais, parce que si c'était un bruit rose, en fait, peut-être que je l'aurais pas entendu. Un bruit jaune, tu crois ? Ouais, c'est pas un bruit blanc, quoi. C'est pas un bruit, bah le blanc, il n'existait pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que le blanc ? Moi, je me demande si c'est pas un bruit qui vient de noir. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors tu veux pas me raconter qu'est-ce que les pas de vie, qu'est-ce que tu me J'étais habillé de cette robe. Qu'elle était belle. Mais la chasse. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux vraiment recommencer cette histoire? Allô. Attends, non, en fait, je plaisantais, je dis ça parce que je savais pas quoi dire. Ah. C'était pour gagner un peu de temps. Mais nous aussi. Je suis désolé, je te dis la vérité maintenant, mais j'aurais dû mieux faire de ne pas te mentir à l'époque. Ah, mais tout le plaisir est pour nous. Flagellons-nous, petit beurre. Ouais, c'est vrai, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait les rebeux et les blacks et tout ça. Et aussi les blancs et les jaunes et les bleus et les rouges aussi. Et les verts. Le jeune salon de l'artiste Mehdi Périnet, au détour des champs. Que cette voix transperce le commun du mortel. Et Allah Akbar, Allah Akbar. Tel un exhausteur de goût. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Une portion équivaut à 588 kilojoules. Putain. Juste en disant ça. Des kilojoules. Ça nourrit, mon gars. Et là, t'as même pas de crise de foie. Parce que là, on en est tous là, je veux dire, 2012, là, en pleine crise de foie. Attends, non, quoi, ce soir, le bikini. J'ai les foies, putain. Le bikini, c'est bon le bikini. Je ferai ça dans une sauce un peu carbonara avec des lardons et de la crème fraîche. Et ce petit PD de Farid, il a rien dit. Ah, t'es quoi ça ce délire là ? Chut, taisez-vous, dites rien surtout. Allez vous faire enculer, bande de bâtards. Bâtard. Putain, comment il se fout de notre gueule lui. Ouais, putain, moi je suis grave, bâtard. j'avoue, rien à foutre, tu vois. Non, mais moi je suis d'accord avec lui, vas-y, c'est franchement, faire foutre, ouais. C'est bâtard. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, tous. Eh, qui c'est qui me fait de PD dans la salle là ? Les contrôleurs, les contrôleurs, tout le monde. Moi je suis pas un PD, moi. Je suis pas un PD, moi. Non, je suis pas un PD. C'est pas un PD, lui, c'est pas un PD non plus. Ouais. Tout le monde le sait, de toute façon. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout le monde connaît mon identité. Ouais. Parasite démentiel. Tu demanderas ouais. Même à ta mère si je suis un PD. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle te le dira, elle te le dira. Même si j'ai niqué avec ton père pour la faire jouir. Ouais. Elle te le dira qu'il n'est pas ça PD, fait, lui. Ça fait pas de moi un PD. Elle est pas PD, non, lui. Non, t'as raison, c'est clair. Non, jamais, c'est quoi, t'entends. C'est quoi être PD ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi? Ça veut dire. C'est comme puer du cul, t'as vu. C'est pas la même chose quand ça vient des autres. Exactement. De toute façon, c'est celui qui fait qui dit, hein. Qui dit qui est. Le perroquet. Et qui l'a fait regarder. Moi je dis ablation testiculaire. Pour tous les PD là. Et tous les enculés aussi, t'as l'air comme le petit. Tu sais, le petit là. Lui aussi, ablation testiculaire, tu vois ce que je veux dire, il en fait trop là. Ouais, grave. Il en fait trop. Grave. Grave. Ah, c'est ça les cigarettes de l'autre côté là-bas là. Ouais. Putain de merde. C'est comment que ça s'appelle déjà? Des particulars, je sais pas. Particulares. Particulares. Particulares. Représente. Et c'est des cigarettes negras. Negra. Si. Ça, c'est des clubs de PD, ça. Ouais, non. Ah non, ils sont dégueulasses, il faut y aller, quoi. Ah ouais, c'est des clubs de cow-boys. Ouais, putain. Ah ouais? Avec un filtre blanc. Ah, il est tout petit, le filtre. Ouais, il est tout petit, le filtre. Ah ouais, ça, ça a tout l'air d'être clubs de PD, ça. Tiens, tu veux du tout. Il y a trop de fumée ici, je trouve qu'il y a trop de fumée. Si vous voulez arrêter maintenant. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Bah c'est bon, ça va. C'est pas nous, c'est eux. De toute manière, nous on nous a engagés ici. On nous a dit vous allez faire une mise en scène. Vous allez mimer. Désespoir. Tout ce qui s'entend. Là, on a bien réussi hein. On a bien réussi à mimer le désespoir. Maintenant, si on passait à la fatalité, maintenant. Ah, le fatal, ça t'a toujours fait vibrer, ça, le fatal. Il fallait qu'on y arrive, c'était fatal, de toute façon. Ouais. On en est là, quoi. Donc, voilà. La fatalité rime avec la finalité, c'est bien cela. Il est 11h20, vous êtes toujours sur Canal Sud. J'adore dire ce mot, canal. C'est le truc ultime, quoi. Canal déférent. Le hier de l'être humain. Tu sais, il a qu'une seule, là, à droite, là. Qu'une seule bite, l'être humain. Moi, personnellement, zéro, hein. L'être humain, l'être humain. Ouais, non, mais œil n'a pas de bite. Ça dépend de ta définition œil d'être humain. Ouais, bon, voilà, tout être humain n'a pas de bite. T'es pédé, la bite, c'est tout ce qui compte, mais, la bite. Non, t'es pédé, les humains, on débite. T'es pédé, tu dis que t'as pas de bite là, t'es pédé. Ouais, c'est clair, c'est vrai, ouais. Humain, ça. Ouais, c'est trop clair, c'est vrai. Et ouais. La censure, c'est un pédé. Ouais, t'as raison. C'est fini pour toi. C'est la merde. Ah, bonsoir Toulouse. On vous l'avait promis. Eh, vas-y Toulouse. Toulouse. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Toulouse. Si. Un palo où on devait faire un enregistrement là d'un gars là, il était trop fan, il était là ouais, bonsoir Toulouse. Si ça me dit quelque chose, c'était il était là, il jouait sur la ligne de basse de Natty Dread. Ah Louis. C'était horrible hein. Quelle expérience sérieux. C'est ah là. Ouais, première expérience de studio. On dit qu'on vit dans un seul univers là. Mais c'est quoi ces mondes parallèles entre chacun d'entre nous? Mais des gens, franchement. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais les gens qui sont en parallèle, c'est juste qu'ils veulent pas se rencontrer, c'est tout. Non, mais moi je trouve ça cool quand même, même si c'était avec les moyens du bord, quoi. Il est chiant, lui. Il est chiant, il est tout le temps de la connerie, de la merde. Et aussi. C'est clair. Je suis votre dieu. Et aussi, c'est notre dieu. Et. C'est lui qui pétrit le pain. C'est lui qui pétrit le pain. Il fait chier, quoi. Il fait chier. Il fait jouir vos femmes. Voilà, c'est ça. Et vos enfants. Voilà. Et vos enfants, évidemment. Ouais. Comme vous voyez, c'est vrai, le. Ouais. Et c'est lui qui vous nourrit, rappelez-vous. Hein. Et c'est elle aussi qui fait ça, hein. Elle. Et de façon très propre. Non, parce que lui, ça genre, va, mais elle, blanc, elle. Dans sa caisse. Fabrice, je voilà. Veux dire, quoi. Avec une belle litière. Et pourtant, elle tu vois, enfin... Ouais, mais carrément. Et même... Carrément, ce que je pense aussi. Donc, il y a moyen d'en parler, je crois. Je crois qu'il y a vraiment moyen d'en parler d'elle. Lui aussi, en tant que, tu vois. Elles sont cool, ces clopes, hein. Eh, hey, mais depuis tout à l'heure, moi j'ai même pas vu que quelqu'un me verse un verre de quelque chose. T'as pas vu quelqu'un? Mais t'es sérieuse? Elle arrive plus à faire caca. T'as vu tes yeux? Elle arrive plus à faire caca. Ça m'a l'air pas mal. Il y avait plein de caca à boire. Elle a le regard revolver. Il y a le caca qui pue. Ouais, mets-moi un poil de coca, s'il te plaît. Un poil de coke. lampe de radiateur ici. Prends ma main. Petit beurre va poser un cake. Sinon, c'est toujours la violence, alors vaut mieux se soumettre tout de suite. Prendre une bite dans le cul. Et puis bon, bah, ceux qui se font prendre plus de bites dans le cul que nous, bah, dire, c'est qu'ils ont mérité d'en prendre autant. Quoi. Ouais, c'est vrai, ils méritent, ouais. Ça s'est toujours passé comme ça. Hein. Ouais, c'est mieux de se prendre une bite que de. Ouais, c'est vrai. Toujours, mec, parti vers les cabinets. Ça coulait. Cake praliné. Moulage de bronze. Et pendant ce temps-là, il a coulé un bronze sur la tête d'un moine bronze en short. Et pendant ce temps-là, l'allemand en short qui l'a regardé, il l'a reluqué, il bronzait dans le canapé. Pendant que l'enculé se baladait à pied ou en vélo, toujours pas du pied, ce bâtard. Bâtard de merde. Toujours la même chose qui revient. Toujours un bâtard de merde. On a décidé d'arrêter maintenant. Ouais. Va te faire reculer. Ouais, on va se faire enculer, on va arrêter maintenant. C'est vrai, non ? Putain, va te faire enculer. Ouais, on arrête tout, allez. C'est le battement. C'est fini là, ça y est. C'est l'avoine, c'est l'avoine. En ivoire dans ta tour, j'ai envie de dire. Prends-toi les défenses dans le. Ah ouais, mais dans le nez, à fond, mais à fond dans les ivoires, tu vois. Assume. C'est ce que je fais, putain. Ah putain, merde quoi. Mais ouais. ton stock de défense là. À quoi ça sert? Ça sert à... pourtant à rien. T'as caressé plein d'éléphants et après tu leur as tué leur défense. Et je leur ai pris. Je leur ai pris leur défense. Je leur ai pris, je veux dire, leur défense. Ouais, mais nous on a pas besoin de se faire caresser. Moi j'ai pas besoin de toi pour me caresser. C'est défense, je veux dire. Ouais, mais sans nous, toi tu te caresses pas. Merde, la quoi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est pas content là. On arrête de te caresser. La marre. On a marre, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on a marre. On va crever. C'est un peu pourri, Michael Jackson, non? Tu peux me faire Billie Jean, s'il te plaît? C'est quoi? C'est... c'est quel aide là? Le monde est mort et moi je chie dessus. Le timber démoule. Hey, ça fait un peu du Soken Bass. Qu'est-ce que c'est? Qui arrache. J'entends les sirènes hurler du désir que je les mette. Aïe! Je sens le prépuce se dénigrer. Eh oui, la mort va et... le corps vit. Yeah. Interruption du programme pour les 5 prochaines minutes. C'est un trio de richesse. McFarlane est parti faire pipi. Il répond à la duchesse. En fait, je crois que c'est Joël. Joël est une duchesse de salon. L'amour est une merde qui fait chier la vie de putain de chiotte d'enculé de race de merde. La vie c'est de la merde qui pue le foutre et l'enculé de race de chiotte de merde, l'enculé de race de merde de chiotte. La mort, c'est bien, la mort. La mort, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, c'est bon. Il a oublié comment tu t'appelles. C'est bon, les gars. Ouais. Putain. C'est des trucs comme ça. Ouais, maintenant. J'ai entendu la radio, il y a un mec qui a dit que la mort c'était bien les gars. Eh hey, mais ça fait chier, venez la mort c'est bien. Moi si j'avais une instru là tout de suite, je poserais des trucs et je dirais un peu plein de choses. Mais malheureusement je n'arrive pas à être ubiquite. On dit ubique, tu sais mec, on dit pas ubiquite, on dit ubique. Ubique bitocu, tu sais, on dit. Ah, ubique bitocu. Ubique bitocu. Ah, d'accord, oui, oui. Ouais. Je m'en rappelle rien. Ubique, c'est chat. Et le... On dit, tu sais. L'ubiquité. Rien à foutre de ça, tu sais. Rien à foutre, mec. On en a rien à foutre de tout ça, tu sais. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'ils allaient tous se faire enculer, tous. Et toutes. Grave. Toutes et tous. Mais grave, des poutres. Mais genre tout de suite. Loutres. Tout de suite. Maintenant. Ouais, là, c'est vrai ça d'abord. Nous, on n'est pas des fachos, nous. On vit dans des yourtes. On a encore 5 minutes d'antenne, même plus. Non, rien à foutre. On en a rien à foutre, nous. On s'en fout, ouais. Grave. On en a rien à deux foutre. Heures de, encore, là, 2 heures au moins d'antenne. Vas-y, t'es chaud. Ouais, vas-y, je vas-y, chaud. Envoie. Eh, franchement, à coq, qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis revenu. Ouais, attends, qu'est-ce que toi, je... T'as vu ce que tu me fais dire? Putain, c'est clair. T'as vu? C'est n'importe quoi. Non, mais je vais te rien. Déchirer la gueule là. Ouais, mais ouais. Clash là. Rien. Clash, moi je te dis. Clash. Je te déchire non, la gueule. Ouais, faites un, pas un, ça, un, les gars. Tout. Ouais. Alors, tu vois, c'est bien. Non. Putain, ça c'est trop méchant. Attends, il y a un truc. Attends, j'ai trouvé un truc. Vas-y, tu veux pas. Vas-y, t'improvises. Attends, donne-moi une seconde. Ouais, non, toi tu t'improvises. Donne-moi une seconde. Rappeur et tout. Avec la voix je présente, on procède un peu. Un peu proviseur. Et là on peut faire acapella. Oh yeah. Je me suis improvisé dans un studio Canal Sud 92.2. Oh yeah, je me suis improvisé avec Bigman. Même si je parle pas anglais, moi je vais taper sur cet instrument. Mais le monde va mal et tous les pays ont sont pour exploiter. Le monde commence. Ouais, c'est bon, ouais, moi, Les meilleurs flots, c'est des trucs dans les langues où je comprenais rien. Foutre, le foutre. On a gagné, je sais pas ce qu'ils disent, on a gagné et tout. What thing you want? Motherfucker. Vas-y, vas-y. Mec là-bas dans l'aquarium, si tu pouvais faire zézir à tous les auditeurs qui nous écoutent pas. Ouais, c'est cool. Ouais. Bon, vous chiez sur le coup. Il y a Vince qui écoute. La gueule. Et là. Ouais, Vince, c'est pareil. Tout le monde. Dédicace. Bon, alors, c'est pour faire plaisir. Dédicace à Canal Sud. À Le Vivi. À Canal Sud, dédicace. Merci, dédicace, Canal Sud. Canal Sud, dédicace. Bibs. Dédicace, dédicace. Bibs, le Pakistanais. C'est vrai, même ceux qui n'ont pas vrai. Dédicace à Canal Sud. Yeah, 1-1. Moi j'arrive sur l'impro, je mets ma grosse lettre sur le micro. Moi j'arrive avec les crocs parce que je viens pas de Babylone comme vous. Moi je vous donne les intrus et vous, vous faites les intrus. Car quand moi j'arrive, vous vous cachez. Car moi je suis le tout puissant qui va vous bannir de cette omniscience. Vous êtes mes disciples quand vous êtes. Tu prends le thème, tu vois, comme ça tu dis vous êtes. Et après tu dis plein de mots. Ouais, vous êtes, vous êtes. Avec la grosse voix. La merde, vous êtes un chier, vous êtes à chier, vous êtes que de la merde. Voilà quoi. Donc après tu peux dire ce que tu veux. Ouais, c'est facile en fait. Foutez la société. C'est facile. Foutez la société. Vous êtes une grosse bite. Mais non, même parce que moi je suis la plus grosse. J'arrive et je vous mets en osmose. Vas-y, exprime-toi. Ouais, c'est vrai, vas-y, ouais. Vas-y, montre-moi. Vas-y, agis-toi frénétiquement sur mon son. Car je suis ton élément. Vas-y, vive devant moi. Vas-y, bouge-toi. Eh, franchement, c'est super facile, hein. Ouais, c'est génial. Des champs de travail ouais c'est grave, genre tu l'abordes quoi, tu ouais vois. Mais grave et là t'as vu, là ça fait lunatique un peu ouais. Non mais pas genre pas le groupe non, là, béton, pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Béton, quoi. Je me rappelle, elle était belle. Je me rappelle, elle m'a caressé sur cet endroit que moi j'aimais. Elle m'a dit qu'elle m'aime et moi je lui ai dit vas-y tourne-toi, laisse-moi délicatement lever ta jupe. Délicatement et surtout poliment, car je m'en rappelle de cette fille que j'avais dit vas-y suce. Elle est partie, elle m'a laissé. Moi je lui ai dit vas-y bébé. Et non, elle m'a mis une claque et délaissé. Tu m'as mêle-moi mal famé. Petit beurre. Vas-y. Mêle-moi, mêle-moi. Vas-y. Petit beurre. Voyez. Vas-y. Mêle-moi. Laisse-moi le moule. Oh, il m'a crié comme une poule. En mine. Ouais, baisse-moi le moule. Baisse-moi la moule. Baisse-moi le mou. Notre album est disponible dans pas longtemps, tu vois, sur canalsud.fr. Pour tous les Français, évidemment. Ouais. Sinon, il y a le .com pour ceux qui sont hors France, t'as vu. Parce qu'on n'est pas xénophobe. Rester en France. Même si le xénophone est pour nous un instrument musical. Ouais, musical, t'as raison. Parce que la musicale, c'est le mieux. Il a raison, ouais, oui ouais. Aussi il a raison. Moi je viens de Sion, je suis une sorte de matrice. Quand j'arrive, je m'exprime. Le capital est avec moi. Et l'oppresseur est contre moi. Vas-y, j'ai le pognon. Je t'imprime des bitons quand tu veux. Vas-y, viens avec moi. C'est de l'improvisation pure et dure. Aidez-moi les gars, vous qui êtes contre le capitalisme. Allez vas-y, on va t'enculer dans la race de merde. T'es une la merde, de putain de race de merde d'enculé. Ouais, bouge-toi le fion, enculé. Tes solutions, tes passions, tu vois, donc... Ouais, de la merde, enculé, de race de merde, enculé, c'est ma race de merde qui pue. On se fout tout de tout dans ce monde. Y'a plus personne qui me tient la main. Moi je suis seul, je suis un petit garçon dans ces événements présents. J'aimerais que 2012 soit certain. jour ce monde se sera détruit et moi je serai là le seul. Comme si j'étais un vinyle qui tournait en jamais on pourra me fusionner avec autre que mon propre son. Mon miroir à moi me fait jouir. Oui, fais-moi jouir, petit garçon. Je suis beau comme un athlète et un corps d'athlète. Et tout cela se mélange. Je ne suis plus que de l'eau qui se met à jouir. Qu'il glisse délicatement sur ton nom. Parti sur tes parties génitales. Tu es vraiment quelqu'un de formidable. Je t'aime. Oui, je t'aime tellement. Je t'aime tellement, tu sais. Qu'est-ce que je veux te prendre, petit garçon, et toi, et toute ta famille. Puis, oui, t'as exprimer. Ouais, si je suis monté comme un dromadaire, je ferai tes parties génitales sont extraites. Tu parleras comme la castra qui t'a immaculé. Te voilà maintenant sur terre. Plus rien ne peut te sauver. Crois donc à Dieu, Dieu, Dieu tout puissant, celui qui est omniscient et toujours présent. Merde, il va falloir que j'accélère le mouvement. Vas-y, faudrait que je dise plein de choses. Ouais, la gueule d'abord, celui qui ne peut être applaudi de ses péchés, c'est vachement difficile. Je n'ai rien à foutre. Tu veux de l'instru? C'est bon, tu veux ça. De l'instru, t'en as de l'instru, ouais, c'est voilà, bon, t'es ça. Content? Sérieux. Je suis une taspé qui va sur la rue du Nord, qui va faire ses achats avec mon drugstore. Il est beau, il est séduisant, il est que plat la chemise. Ouais. Il va bien, il s'exprime même pas, il adore près être près de moi. Et il a une grosse, grosse carte bleue, carte bleue, carte bleue. J'aime parce que t'es une taspé et que j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux c'est baiser, ouais taspé ta gueule va te faire foutre. Ouais je t'aime tellement, taspé de merde, va te faire tes courses connasse. Ah, je te baise taspé, t'es qu'une pouffe. Achète-moi cela et moi je te ferai n'importe quoi. Achète-moi si et je te montrerai le zizi. Comme tu voudras, tu verras. Vas-y, laisse-moi faire. Vas-y, donne-moi ta carte. Qu'est-ce qu'elle est belle, énorme. Oh oui. Oh oui. Celui qui n'est pas poète et même pas qui ne pourrait s'exprimer devant une agence ou même un studio. Jamais je n'achèterai des vinyles et me crierai que je suis hypo. Moi je bois, je bois, je bois et je me noie dans mon inconscient. Je jouis dans ton bien et même après je nique ta parent et ta mère. Mais bon, mais voilà que je commence à bafouiller et que mon nez se met à être bouché. Je te chie dans le cou. Et même que je pisse dessus et après je te nettoie. Et toi tu me remercies car je n'ai même pas de compte bancaire. Et même mon ribellé par terre il ne sert plus à rien. Même mon patronat ne m'a viré de mon emploi. Et maintenant je me retrouve à la rue comme toi. Nazi aime-moi et moi je t'aimerai. Viens avec moi, nous visiterons nouvelles contrées. Un jour tu verras, on pourra faire tout, c'est n'importe quoi et manger librement. Quel babylonisme que croire que merde, la banja, la goja, tout un esprit libre. C'est n'importe quoi, ce monde est parti en couille. Et moi je suis là, à montrer mes couilles. Et oui ma petite bande, quand je pense à elle, mais elle n'est pas là. Quand toi tu te noies dans le capital de Babi. Babi, Babi, Babi, c'est trop bien Dragon Ball Z. Chérie, tu m'entends? Eh, ramène les dessins. Chérie, ramène ta fraise. Chérie, ramène ta poire. Ramène ta pomme. Ramène ta pêche et frappe-moi dans la gueule. Ouais, chérie, je t'aime. Frappe-moi encore. Eh, hey, c'est un bâtard le DJ là. Enculé, les vinyles là, il les a rayés là, merde. On veut la coque nous. Ce qu'on veut c'est de la coque, ouais. T'as raison, c'est vrai. Ouais, pardon, ouais. De la coque de fruits, des fruits à coque, merde. La coque de noix de coco. Des garages à coque. Ouais, des garages à coque, ouais, grave. Et ça, ça représente bien l'instinct animal présent, tu vois. Parce que la population, c'est pas des femelles. Les hommes, c'est pas des femmes. Les femmes, c'est des femmes. Et les femmes, elles sont belles, elles sont bien et tout. Elles sont égales avec les hommes. Bien sûr, y a pas de problème. Il faut pas dire qu'un homme, sa femme, elle est belle ou qu'elle est moche, hein, parce que ça va pas le faire. Non, tu non. Vois, on va pas rentrer dans des conflits comme cela, tu vois. Non, enfin, c'est vrai, non, non. Plutôt à l'homme, il est beau, comme ça, la femme, elle est belle. Et les deux, ils sont beaux. Tout le monde, il est beau, tout, ouais. Tout le monde, il est bien et tout. Tout le monde, il est beau, ouais. C'est juste des histoires, des fables et tout ça. Et ouais, c'est vrai, ouais. Personne nous tombera dessus, hein, surtout ouais, pas pourquoi, s'il est plus fort que moi. Pourquoi on ferait ça, hein, s'il est plus fort que moi, après il va me casser la gueule et moi je vais devoir lui casser la gueule. Et après, ouais, lui casse-moi la gueule, gueule, ouais. Hein, parce que j'ai plein de cousins, des frères, surtout des frères d'armes, tu vois. Je garde mes arrières, ouais. Comme certains l'ont déjà dit, et moi je garde les siens, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire, ouais. On n'a pas les mêmes pointures de chaussures, mais. On se fréquente, tu vois. Mais ça le fait, toi. On a un peu les mêmes idées, pas tout ouais. Le temps, heureusement. Sinon, après, on serait un peu trop. Ça serait chiant. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, c'est vrai que carrément. Souvent, la différence, c'est l'effectif, hein, des cousins de tard, en fait. Ouais, ouais, quand même. Oh, pardon, excusez-moi, c'est l'usance. Voilà, le dernier rencontre qu'on a fait, là. Bah, les guerres internationales, là. Chose, hein. Voilà, on a partagé quoi. Ouais, mais grave. Hein. Ouais, c'était bien, ouais. Eh, ça fait peur un peu 2012, hein, tout ça. Il y a beaucoup trop de deux. Hein. Moi, je crois qu'il va y avoir une troisième rencontre. Ouais. Ouais. Un quatrième Reich. Ouais, grave. Ça en France. Ici même. Ouais. Ouais. Vous voulez pas qu'on chante une belle chanson? Il y a des gens qui nous ont écoutés et qui ont souffert toute la soirée. Pauvres d'eux. J'aimerais leur chanter ces belles caresses de vieux pervers que je serai. Du haut de mes 24 ans, bientôt 25, je toucherai le chômage. Ah oui. Laissez-moi parle-moi faire. Parle-moi du chômage, ouais. C'est trop cool ça. Parle-moi encore. Ouais. Ouais. Ah, ouais. C'est détraqué là, à qui on donne le pouvoir de s'exprimer là. On devrait les enfermer, leur mettre des camisoles, leur donner des produits chimiques. Moi aussi j'en veux des produits chimiques. Ouais, j'en veux bien une belle petite camisole qui tient chaud là. Chimique. Mais grave, grave. Chimique. Mais gravement chimique. Ce serait trop cool. Ouais, d'accord. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, vas-y, mets-moi une camisole, ouais. Ouais, je t'aime, ouais, je peur. Je passe le micro aux gens de mon crew, ouais. Tu vois. Ouais, t'as raison, vas-y, faut passer le micro, t'as vu, il y a des moments, faut passer le micro. Vas-y, ouais, c'est maintenant, ouais, c'est à moi, c'est mon tour. Ah, je sais pas quoi te dire, ah oh, mince, je sais pas quoi te dire. Ah non, je dis rien, dans la merde. Je dis rien, camisole rectale. J'en ai rien à foutre, et tout temps j'encule le monde. Doigté de chien, mort, le monde c'est de la merde. Les enculés d'humains, de putain, de chiottes, de race de merde. Je les encule tous avec du fer ardent comme du brûlé, rouge, blanc, ouais. D'assos, de l'emmental. Il se fait fondre dans le nez du gars. Et ensuite il crève du rectum. Ouais, ah que j'aime ça. Pouvoir me dire que le mec qui va crever à cause de moi, c'est bon. Coup de croc, tequila. Tequila. Tequila. C'est vrai. Tequila. Tequila. Tequila. Tequila. Tequila. Tequila. Le nom d'un film. Peut-être. Tequila. Sunrise. Tequila. Cocktail. Bobtail. Tom Cruise. C'est lui. Tom Cruise vient d'arriver dans la salle. Ah non, c'est Joël. C'est Joël. Il arrive. Ah ouais. Oh putain. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces PC et tout là? Je sais pas, c'est. Je sais pas. C'est le DJ. C'est pas ouais, la police. Je... Hey, tu me donnes rien, l'anglais? Vous voyez, on est des êtres humains et tout, c'est on vit comme vous et tout ça là. Hein, c'est... Et vous pouvez appeler, hein, toujours sur le 05 61 53 36 95. Pour toute réclamation. Et sinon, vous pouvez toujours essayer le 05 61 53 36 95. 95. C'est toujours le même numéro en même. Présente. Changez pas de radio. Ouais, c'est bon déjà ça. Présenté, donc on le représente c'est en fait. Hip hop noise, nuisance hip hop noise. C'est génial, ça passe un peu sur tous les ça trucs. Ça passe bien, ouais. Il nous manque quoi là? Il nous manquerait une petite guitare. Non, il n'y a pas besoin de guitare, on a tout ce qu'il faut, on a des ordi. Un DJ Ridou. Un DJ quoi Ridou. Tu dis quoi? Tu dis que je suis pas un DJ moi? Non, un Ridou. Ah merde. Ah, j'ai pas compris en c'est fait. C'est un petit DJ. Oh yeah. Mais l'instru, elle est vraiment merdique quand même, non? Ouais, non, c'est moi qui pourris le son en fait. Moi du rhum. Regarde, tu vois, là ça va là. Il donne du rhum à son homme. Mais là c'est horrible, là tu vois c'est horrible. En fait il a trop bonnes instruments mais il ne lâche que des... Que de la merde. Ouais, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas toujours ce qu'on veut quoi, tu vois. Débrouillez-vous, fais exprès cet enculé, il veut pas me laisser m'exprimer. Mais bon ce rythme me rend un peu perturbé. J'ai un peu du mal à m'exprimer là-dessus. Alors du coup je vais pouvoir prendre un rythme un peu intrus. Et voilà que tu te mets à parler beaucoup vite. Et pas dire n'importe quoi sur le mouvement. Que tu bouges ta bouche, C'est l'être sensuel, il se met à mauvais. Et que l'expression se met à l'événement. Que le matérialisme met ça désintégrer. Merde. Bah, enculé, bâtard. Vas-y. C'est ta faute. Ta faute. Je parlais de niquer sa mère. C'est ta faute. Tu vas crever maintenant. Elle est fou, ce mec. On s'est rencontrés un soir d'été. Merde. Caniveau. Dans un caniveau, on était. Non, on s'est rencontrés au DAU. Ah merde, tu veux qu'on se rappelle de ce moment-là? Non, on veut pas. Mais en fait, j'essaie de me rappeler de quoi je me rappelle pas, en fait. Je sais pas. Je me rappelle l'autre jour, le bateau. Je me rappelais pas qu'il y avait une série de bateaux. C'était au bord de l'eau. Enfin, près du canal. I'm having illusions, all these confusions fucking me up in my mind. I'm having illusions. C'est la boucle la plus longue que j'ai jamais entendue. I'm having illusions. I'm having illusions. Qu'est-ce que je les aime pas ces artistes, sérieux. J'en ai horreur. Et une fois j'ai fait un cauchemar. Ah ouais, ça me va décaillé là. Allez, bouge ton beau potin. Wouh, yeah. Yo, on revient sur la fréquence. On s'est fait pirater par des pirates. Et vraiment, ils buvaient beaucoup de rhum, plus que les pirates eux-mêmes. Eh, c'est comme tu vois le mec là, avec les cheveux longs, celui qui se drogue absolument tout le temps là. Avec du rhum. Il te fabrique du LSD, des acides, tout cela quoi. Ouais, de la méthamphétamine. Ouais. Ouais, ouais. De la méthamphétamine, ouais. Moi ce que je vois, c'est de la méthamphétamine et de la cocaïne. Et peut-être de la cocaïne et de la méthamphétamine. Et de la kétamine. Et de la kétamine, ouais. La kétamine, ouais, ouais. La kétamine. Moi ce que je veux, c'est mettre la race, me défoncer la gueule avec les keufs, parce que mes keufs, c'est les potes, c'est les pébros. Pébros, c'est les keufs. Ouais, les mecs, vous saviez pas? Bah, je vous le dis maintenant, ouais, ouais, ouais. La kétamine, la meilleure, c'est celle des keufs. L'héroïne, la meilleure, c'est celle des keufs. Ouais, ouais. La cocaïne, c'est la meilleure, c'est celle des keufs. Là, l'héroïne, la cocaïne, les LSD, c'est le meilleur, c'est celle des keufs. Ouais, ouais. La dopamine, c'est la meilleure, c'est la mienne. Vas-y, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, ce que c'est que la vérité, que la drogue, et vas-y, qui va t'exprimer. Tu vas la sentir couler dans tes veines, et que tes connexions synaptiques vont péter. Tu vas les sentir jouir eux-mêmes, et même toi, tu vas plus te sentir tellement que tu planeras au milieu des sirènes. Des sirènes qui seront les tiennes, tu leur tiendras la main, tu diras, oh. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tes seins? Wout! Ouais. Non. La cocaïne. Non, non, moi ce qu'on veut pas c'est de la cocaïne. Nous ce qu'on veut c'est de la kétamine. Ouais, ouais. La kétamine. Nous c'est la kéta qu'on veut. Spécial K, ouais, pour toujours. Spécial K, représente, ouais. Représente la spécial K, la kétamine, ouais, les bonbons et tout, ouais. Les tas. Le LSD, la drogue, ouais. La moi, drogue. Tu le sentiras. Tu peux aussi le fumer comme la drogue. Tu peux toujours trouver des solutions alternatives à la coca, la drogue, la kéta, la drogue. Dans tous les cas, ça te mine. La et drogue. Tu te sens bien au moment. La drogue. Oui, tu tiens la drogue, la ça tue. Ton suivant et tu lui la drogue, ça tue. Mais tu le baises. La drogue, ça tue. Vas-y, tourne-toi, que je te montre. Où que tu sens. Il est ton trou de balle. Il est où ton trou de balle? Tu te bien voir. Tu sens ton trou du cul. Ah ouais, tu vois ton trou du cul là maintenant, tu le sens maintenant une fois que je t'ai mis un doigt dedans, tu vois. Ah oui. Tu sens mieux, c'est hein. Trop bon, oui. Tu sens mieux les choses maintenant. Oui, tu es je t'aime, tu sais, je t'aime. Tu es le Bamako de la cité là. Que j'aime sentir tes doigts. Dans mon cul. Dans mon cul. Dans mon cul. Avec la kétamine aussi que je mets en suppositoire, c'est génial, ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, on en parle très peu. Tous ces gens, ils ont peur d'en mettre dans leur queue. Et oui, la kéta aussi. En urinette. En l'urinette. Ah que j'aime cela quand tu sens le mouvement traverser ton esprit de corps qui se fragilise. Tu te sens planer au milieu magistrate. De tout cela. Il n'y a plus rien, les nuages font partie des tiens. C'est très facile de poser sur ce son, tous ces sons là, tu vois. Il y a un move. Aidez-moi les gars, je n'ai plus beaucoup grand chose à dire. Alors je vais radoter, m'exprimer plusieurs fois, faire des syntaxes. Dis que de la merde, c'est mieux comme expression. Ça. Additionner tous les événements. Maintenant, dis que de la merde, mec. C'est mon verre et je le buverai. Dis voilà. Que de la merde, je te dis, bordel de merde. Dis que de la merde. Dis-leur d'aller se faire enculer. Dis-leur d'aller se faire enculer. Dis-leur d'aller se faire foutre. D'accord. Ouais, se faire foutre. D'accord. Faire foutre. Pour tous les auditeurs, allez vous faire enculer par Bamako, le mec de ma cité. Il a une queue énorme, énorme, énorme. On va se faire enculer. Il a assommé un jour un éléphant avec. Foutre, foutre. Foutre Dieu, foutre Dieu. Derrière la tête. Enculer Dieu. Dieu, enculer Dieu, partout Dieu, Dieu, enculez-le. Tuez Dieu, tuez Dieu, tuez le Seigneur. Très mal, il avait très mal. Tuez Seigneur. Mal, mal, mal, mal, mal, mal, enculez Dieu. Enculez le Seigneur Dieu. Enculez-le Dieu. Prenez-le et retournez-le et enculez-le. Et si c'est une L, pareil. Alors auditeur, si encore tu m'écoutes, tu devrais changer de fréquence. Car bientôt, non, reste avec nous. C'était un moment. Reste avec nous, reste avec nous, écoute-nous. Allez, écoute encore qu'on t'insulte, vas-y. Écoute-moi bien. Ouais, car t'insulte, ta mère, t'es qu'une merde, tu fais rien. Tu restes sur ton cul toute la journée à regarder la télé, en avoir rien à foutre, à te branler devant des pornos débiles sur internet. On le prend par derrière. Il n'est qu'un auditeur de merde. Sois déçu de ta vie, crève. Pervers. Il n'est qu'une merde. Je l'ai vu l'autre jour. Va chier. Il se branlait sur ma sœur, alors je me suis vengé. Va chier. Vengé. Vengé, je vais rentrer dedans, vengé. Salaud auditeur de merde, c'est ta faute si je suis là. J'ai mis un préservatif. C'est ta faute si je suis là, c'est que t'as besoin de l'entendre. T'as besoin de l'entendre. Je l'ai mangé, je l'ai enculé, t'entends. Il méritait tout cela que je lui ai mis bien profond. Il a aimé ça, ce fils de salaud. Et quand tu l'as pris dans le cul, quand tu l'as pris dans le cul, la bite. Même ta grand-mère était pété. Tu m'as trahi. Ta grand-mère était nazie. Tu m'as trahi, mon chéri. A tué du juif. Vas-y, vas-y. Si jamais je tolérerai ici. Y a eu toute une histoire. Je te déteste. Cet événement. Sodomite sur le moment. Et puis. Va te faire scatologiser la face, connard. Et puis. Je te déteste maintenant, mon chéri. Et puis. Je t'aime pas. Et puis. Tu jouiras! Enculé! Vas-y, vas-y, va te faire enculer! Vas-y, va te faire enculer, bâtard! Je t'ai sodomisé! Tu n'es qu'un mec! Tu n'es qu'un homme! Tu n'es qu'un homme, un mec! Je t'ai enculé! Vas-y, vas-y, va te faire enculer! Moi, tu n'es rien qu'un mec! Une bite, c'est tout, une bite! Une bite, t'entends? Tu n'es qu'une bite pour moi, mon chéri! Vas-y, c'est le point! Oh oui! On fait l'amour! Pour 50 euros! Grand-mère, auditeur! Pour 50 euros, on fait l'amour! Tu viens? Que les Arbiens. T'as 50 euros? Et elle. Tant pis! Elle me suçait. Elle a trouvé ça délicieux. Elle a senti les parfums de l'Orient qui lui prenaient. T'as pas 50 euros, t'as pas l'amour, c'est tout. Elle a kiffé quand je l'ai pénétré. Mais ouais, mais t'as fait ça avec capote ou sans capote? Parce que tu sais, vaut mieux que c'est avec. Bien sûr, c'est avec mieux, ça mieux, fait bien avec, plus avec, sexy. Ouais, ouais, ouais. T'aimer, comme ta grand-mère. Ça va, on ne dérange pas? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est délicat, l'humour, ouais, l'amour. J'avoue, on n'est pas seul là. Il faut présenter tout le monde. Joël, il vient d'arriver. Il roule le pétard et un peu il fait tourner. Il fait friter, ouais, il effrite la bœuf dans le bédo. Et on va fumer ça. On fait fumer tout le monde, ouais. C'est dingue, nous on sait tout faire. On fait fumer tout le monde. Viens rapper jusqu'à l'expression littéraire. Des poètes, des philosophes, ou même des Kasparov. Tu l'as bu. Comme un Américain, on a enculé. Non, j'arrête. Comme un Américain, je suis allé voter. J'ai la voix de trash comme celui qui fume des taches. Tâche. Je suis un paysan de l'Amérique. Moi, je suis allé voter pour l'UMP. En France, ils m'ont donné le droit d'y aller. Ils m'ont dit, vas-y, de toute façon, t'es qu'un Américain. Tu votes Jean-Jacques Goldman et tous ces enculés. Mais oui, Eminem, mon pote, vas-y, toi, t'es blanc et tu représentes les noirs, noirs comme le mouvement. Et oui, nous on est des junkies et aussi. Ouais, c'est vrai, junkies, ils représentent R&B. Et oui, nous on est là, on représente et on est toujours. On est de la merde, on représente les gars. Ouais. On est jeunes aussi à certains moments. On est ceux qui mouvement. On est de la merde et on aime ça. Ouais, on est des on. Et on m'a dit, moi, je me rappelle de ma prof de français quand j'étais tout petit. On m'a dit, on c'est con. Et tu peux pas forcément avoir le QI plus élevé que moi, je suis dégoûté. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je représente l'administration. Sois pas triste. La CPE est arrivée, elle m'a pris par la main. Elle m'a dit, viens, on va voir tes parents. Ils sont pas arrivés car ils en avaient rien à foutre. En même temps, ils étaient un peu décédés, un peu rayés. Et c'est peu bizarre parce que j'aime pas rapper sur du Eminem car il est pédé. Il aime pas qu'on dise ça car il est aussi homophobe. Il aime pas ceux qu'il aime. C'est un peu contradictoire quand t'es un être humain qui jouit. Et oui, c'est peu bizarre. En plus, il est blond, il a les yeux bleus. Et il dit toujours la même chose. Ah, il est roux. Pourquoi est-ce que Hitler, il a pas fait une teinture? Parce qu'il était pas dans les années 80. En blond. Ça, c'était les potes punk. Hein. Ah. Avant ça, il y avait des femmes, elles se décoloraient les cheveux avec du jus de rhubarbe et tout. L'oxygéné aussi. Bah avant ça encore. C'était un truc bio quoi. C'était poil le cul à mon époque quoi. On se mettait tous les potes entre nous, tu sais, le mercredi après-midi quand on n'avait pas cours. Et on se déteignait les poils de cul avec de l'eau oxygénée, c'était bon. C'est vrai, c'est cool quand même d'avoir les d'avoir poils des poils de cul que tu peux déteindre, ouais, pour comme ça t'as des poils blancs, ouais, blonds dans le cul, c'est bon. C'est un prétexte ouais, pour se rassembler quoi. Ça, c'était avant la crème dépilatoire quoi. C'est con ça se faire épiler. C'était avant la crème dépilatoire. Poils au cul. Mais après, quand t'as des petites dreads marrons là, que t'as les poils un peu blonds, quoi, c'est un peu bizarre, quoi. Le mec il dit tant que ça sent bon, comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût, quoi. Je veux dire, c'est la même chose pour les poils de cul. C'est pas la gueule du truc, c'est l'odeur, quoi. Ouais, ça fait une sorte de chocolat blanc mélangé à du chocolat chocolat. Ça sent un peu mauvais, quoi. Et ça c'est bon, ça. Non, le fromage qui pue. Quand ça sèche, ça sent plus mauvais. Ça dépend. Ça fait une sorte d'argile décorative, quoi. C'est de l'art abstrait. Ah ouais, c'est bon. Oui. C'est dingue parce qu'on est toujours sur le Canal Sud et il est 11h30 et l'émission Nuisance n'est toujours pas terminée. J'espère que les gens qui attendaient l'émission d'après, ils sont pas trop déçus parce que en même temps, nous, on vous aime, tu vois. On vous aime tellement. Ouais. Et le GHB là de Dieu là, tout à l'heure, franchement, c'était il est une blague. Trop bon. Non, c'était une blague, non. Faut pas dire ça, non. Quoi, les petits enfants dorment et sont venus nous rejoindre dans leur rêve ici. Tous les petits enfants nous regardent à ce moment-là bien précis dans leur corps astral. Il faut pas leur dire des choses pareilles. Non, il y avait pas de GHB dans le petit machin que vous avez bu, vos parents et tout ça. Ils vont fait boire. C'était pas du GHB, c'était de la fleur d'oranger pour vous faire dormir, pour vous fermer vos gueules. Eh hey, mais pourquoi il y a encore eu d'être instru? C'est pas une instru ça? C'est une instru? Je sais pas. Et non, parce qu'ici y a encore une voix qui est là, qui est perturbante, genre Eminem ou n'importe qui là. Je te connais pas en fait, je suis désolé, je suis pas d'ici moi. Ah, ok. Je parle pas français. Dieu nous a parlé. Un jour il nous a touché avec son doigt. Il m'a dit petit garçon. Non, ça marche pas. Pourquoi il m'a touché avec son doigt? Ouais, mais bon, c'était la suite de l'histoire, ça a pas marché. Ah, tout à l'heure tu l'as? Non, là. Et pourquoi tu avec le doigt et pas autre chose? Ouais, mais parce que c'est l'instru, elle est pas partie, alors je crois que... Ah, d'accord, pardon, excuse-moi. J'ai pas de casque, en même temps, je comprends pas tout à fait ce que tu dis, quoi. Mais t'entends le retour, non? Non, je t'entends pas. Je t'entends pas, là. Non, je t'entends pas, là, je... Bon, d'accord. C'est comme un film de David Lynch, toi. Hey, c'est un autre monde, hein, directeur. Là, ouais. Ouais, c'est clair, c'est ouf. Moi je prends ma montée en plus. Dingue. T'en as un peu là? Ah non. Parce qu'on t'a entendu t'as... Non, faut pas dire. Les auditeurs là, si vous nous écoutez, vous en voulez un petit c'était peu? C'était une blague, on voulait pas parler de ça. C'est comme. Je suis mono-dépressif quoi. Sinon, vous pouvez toujours appeler le 05 61 53 36. T'as pris ta MD, ouais, c'est bon, je suis mono-dépressif aujourd'hui, ça va. Et vous passerez une soirée super pour vous entraîner pour demain là. Eh franchement. Ah elle est bien celle-là. Faire du goût du goût du concou du coup du coup du coup. Ouais ouais. Moi je suis un gars qui vient d'être ici. Et un peu dit là-bas. Et d'être ici aussi. Si je suis là. Ma famille fabriquait du tissu. Et moi maintenant je suis en train de. Vous en servir, petit con. Vous travaillez pour moi à l'instant. Ma communauté a toujours régné. Vous êtes des petits éléments. Face à moi, je ne suis rien. Mais vous êtes encore plus rien. Mon religion l'a dit. Un jour, nous trouverons notre pays. Il sera plus grand que votre monde. Nous contrôlerons tout. Nous contrôlerons tout. Aidez-moi, les amis. Confiance en nous, nous allons nous éclater. Face aux survivants, nous pourrons lutter. La mer nous entoure, on va se faire bouffer par la mer qui nous entoure. Pour faire son révolutionniste, mais quand même, il faut être conscient de la puissance de allez réalité. Merde. L'humanisme s'est transformé. Allez vous faire merde. L'argent a commencé à régner. Pas pire que nous, on est de la merde et vous aussi, ouais. racaille, c'est vous la racaille. Il est là toujours présent. C'est vous la racaille. Monarchie très forte, nous c'est vous. Mais c'est encore la démocratie la qui racaille. Va remplacer la démocratie. La racaille, c'est vous, c'est pas nous, c'est vous la racaille. Culez là. Française, nous lutterons avec un jour notre encore, nous ferons. Carchériser la face, bâtard. Ouais. Il faut racaille. Tourner en rond, il faut tourner en rond. Où la racaille, on leur montrera qu'on sait faire autre chose. Et la priorité est celui qui est arrivé dans le rond-point. À droite, toujours à droite, y'en a marre. Priorité. Fuck la droite, fuck merde. La droite, ouais. L'assemblée. La priorité. L'axe du milieu. Du centre. L'assemblée est une grosse connerie. Ils sont pas ensemble, mais l'un contre l'autre. La droite, la gauche, ou même le centre. L'extrême droite, l'extrême gauche, tout est con. Con, con, con, celui que j'aime pénétrer. Celui qui est l'amour de ma dulcinée. Celui qui l'a fait jouir, ou même glisser. Merde, je ne sais plus ce que ça fait. J'ai jamais baisé de ma vie, excusez-moi. Merde, RPD. Shit. Oh fuck, oh un peu fuck, pour changer oh un peu me. Le merde, tu vois. Oh fuck, oh fuck, oh fuck me. I like oh fuck you, oh fuck, I like oh fuck you, me. I like oh fuck you, I like fuck you. Oh fuck, knock, knock, knock, knock, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, please now, fuck me. Please now, now, now, please now, now, please now, now, now, now, please now, now. Sorry, now, please, please, please now. Sorry, fuck, fuck me, now. Sorry, fuck, fuck, now. Sorry, fuck. Fuck me, fuck, no, no, no, sorry, not this, please, sorry, no, no, no, yes, yes, yes, yes, of course, yes, yes, yes. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, yes, yes. No, sorry, yes, yes, fuck you, yeah. No, no, no, fuck me, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, like that, yes, yes, yes, of course, yes, oh, fuck me, yeah, I like, I love you. I like to fuck my sister. Oh fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, I wanna fuck you. I wanna fuck everything that moves. Yes, I wanna fuck me too. I wanna fuck. No, stop it. Oh, yeah, fuck. Oh, where is your money? My name is Fuzzy. Oh yeah, fuck me, fuck me. Yo, yeah, woo! You are sexy, yeah, yeah. No, no, no, no. I don't like you. Fuck me, no, like you. Fuck me, no, no, no, wait up. Fuck me, yeah, oh, oh, oh, oh. Oh, well. Sorte de partout, tout le monde se tenait. Ils se caressaient délicatement, les t-shirts se levant. Délicatement, les t-shirts se levaient. Quand moi je suis entré dans cette salle, ces gens. Petit à petit se déshabiller, et je me perdais dans ces événements. Ces gens plus ou moins beaux, de plus en plus beaux. Quand je buvais, je les voyais se déshabiller. Toujours cette pulsion animale, ça me faisait penser à ma mère qui faisait tété. Elle était si belle, que Freud peut-être un jour avait raison. Que j'aurais voulu tuer mon père pour sucer, pour sucer. Sucer cette grosse queue. Oui, Al, tu m'entends? Oui. Sucer cette grosse queue. Quoi? Mais j'ai rien à voir là-dedans. Moi, tu veux parler de tes pulsions sexuelles avec ta mère? Vas-y, parle-en, tu sais. Oui. Ta mère, c'était un trans. Eh, c'est ta mère, la trans, là. Vas-y, fais de la trans avec ton objet, là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu m'as traité de BD, là, c'est ça? Hein? Tu comprends pas la poésie? Ouais, la poésie, ouais, ouais. Vous direz une femme que t'aimes sa mère, comme ça tu la pécho direct, direct. Moi comme j'aime ta rhum, j'ai envie de te baiser, salope. Payer des vas-y, verres. Je t'aime vas-y, tellement. Après, tu la niques. Vas-y, direct, c'est moi la direct, salope. Direct. Et de verre en verre, je me transforme, je deviens le monstre amnésion. Avec celui qui montre que montre, ma queue commence à brandir. Je suis de tout ma paroi, de mes tous mes pores qui suis. Je glisse. D'accord. Hey, tu joues avec mes nerfs, toi, là-bas. Hein. Je vais me lever. Hein. Attends, je viens me servir. Putain, c'est... Ils étaient tous nus, et moi qui aimais caresser ces interdits. Je suis arrivé un peu tout seul. J'ai payé 50 euros dans ce petit bar qui me refusait. Et je leur ai donné alors du coup 80 euros. Ils m'ont laissé rentrer moche comme j'étais. J'ai mis un préservatif et je les ai tous pénétrés. Ils ont kiffé et m'ont admis comme un truc entre eux, un solide qui suit dans leur mouvement. Et c'était des gros pervers. Hein. Et alors là, j'ai découvert que j'étais en train de niquer ma mère. Et... Eh mais rigolez pas, je vous raconte ma vie là. T'es pas crédible. Grave. On n'entend pas, je vous les bats. Vas-y Joël, exprime-toi avec moi. Dis n'importe quoi, fais comme moi. Tu veux un verre, tu veux que je te le remplisse de quoi? Tu voudrais un jus ou un peu d'alcool? Si tu veux, je vais en jouer. Du blanc. Il faut l'ouvrir. Qui c'est qui a un tire-bouchon? Tire-bouchon, petit. Cette métal s'exprimer et l'autre juif, il préfère porter un t-shirt bleu. Moi j'ai dit, prenez-les avec toi. Peut-être qu'ils te diront leur théorie du complot, ces enculés. Ils veulent tous nous contrôler, me veulent pas s'exprimer. C'est pire que les Chinois. C'est pire que les Chinois. Les Chinois sont nombreux, ils sont partout. Mais eux. Ils fabriquent plus de choses qu'ils vendent. Il y a bientôt plus de bus, on en mange. Comment ? Il y a bientôt plus de bus, hein. Vendredi soir. Bon, eh bien, c'était Nuisance, 92.2 FM, Canal Sud, ou canalsud.net. C'est pas fini, hein. Et c'est pas encore fini. Il reste des taxis chinois en fait. Il reste du coup, c'est. Donc là, après les 10, c'est bon. Il fait chaud ici, alors on va continuer notre soirée ici. Le dernier bus là pour nous, il est à 1h du matin. Alors si vous pouvez résister encore avant d'écouter de la musique de merde, écoutez-le encore. Si vous êtes solidaire, vous avez toujours encore la possibilité d'appeler un numéro fixe qui est le numéro 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 61 53 36 95. Oui, il faut le dire plus lentement pour les auditeurs qui sont assez bourrés, quoi. On n'a pas le droit de leur dire des conneries. 95. Ah, mais t'as déjà un bar, toi. Mais non, c'est pas moi, ça. Super joli. Oh ouais. grande classe. Ah, ça me fait penser à la clip de Tupac. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu sais, on se remplit plein de godets, tu sais, on est à la campagne. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Sur la moisse batte, là. Hé, chérie, tu me remplis un deuxième verre? Ouais, enfin, enculé, ouais. Enculé, ouais. Tiens, pour toi, je ferai n'importe quoi. Ah, c'est super charmant. Espèce de relu. À force de charmer, un jour, je vais te retourner. Ouais. Pas de pute. Je vais charger. Oh, tout score. Oh yo, je suis un petit chinois qui s'exprime comme ça, mais je suis encore chinois. J'aimerais parler thaïlandais. Mais c'est ma foi, ma foi, ça moi, c'est le bouddhisme. Bouddhi, cheeky, bouddhi. C'est mon yogi. C'est japonais, non, ça craint. Aidez-moi les gars, je commence à dire n'importe quoi. Je suis bourré avec mon casque, tu vois, j'entends que ma voix. Y'a que Black Job. Fight now. Fight 4, 3, 2, 1, fight. Fight. Game over. Fight. Remplis un autre verre, mon cher. Oui. Pouvez-vous niquer ma femme? J'aurais plus bu, je pense. Pour l'instant, c'est pas possible. Je la vois telle qu'elle est. Trouvez-vous ma femme moche? Non, mais le vin me donnera plus de brio. Avez-vous des instruments? Oui, nous avons ça plein le tiroir. Des mèches hélicoïdales, des tarières. Du ouais. Cantal jusqu'au Révesalte. Ouais. Il y aurait quelqu'un du comté jusqu'au. Et c'est toi qui m'as taxé mon fils, ce bâtard. Dolor. C'est toi ça? Ouais, je suis dégoûté. C'est celui de haut en fait. Hey, t'as les yeux rouges toi, hein? Ouais. Et t'en as pas un peu pour moi? Non. Ouais, j'aimerais bien participer. Non, je t'ai offert. Même ici, on partage pas en fait. C'est pas facile la vie. Moi qui voulais changer le monde avec vous, auditeurs et tout ça. Je suis déçu. Hein. Joël, je te le dis, je suis déçu. Mourir, mourir, mourir. Vas-y, exprime-toi là, toi aussi, merde. Exprimer quoi? Exprime n'importe quoi. S'il vous plaît. Déçu. S'il vous plaît, RG. Oui. Régisseur gestionnaire. Oui. Est-ce que vous pouvez laisser la voix à canapé? Vas-y. Bah je t'écoute, hein. Non, c'est toi. Non, je suis le canapé, moi. Je t'écoute. Que penses-tu de la femme? La fable, excusez-moi. La fable de quoi? Fable. De 2012? Non, la fable en général. La fable? Bah, ça nous permet d'aller plus loin, de progresser. C'est un peu ça qui nous amène à... Attendez, il y a un moment où j'ai pas compris la réponse, en fait. Vous pouvez bien répéter, s'il vous plaît, monsieur? La question ou la réponse? Les deux. En commençant par la réponse d'abord, ensuite répète, la question, s'il vous plaît. Répète, la réponse d'abord, après la question. La réponse. Voilà, c'est grâce à ça qu'on a été en Irak, quoi. D'accord, et la question? Que pensez-vous de la fable? Voilà, c'est ça. Bah, que du bien, en fait. Que du bien. Non, après, d'abord la réponse, la question alors, c'est quoi? Que pensez-vous de la fable? Ah non, mais c'était d'abord la réponse qu'il fallait donner. Moi, je pense que... Trouver une autre question, alors. Moi, je pense que la fable, c'est l'opium du peuple. Et que le peuple, c'est un petit con. C'est vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Bravo. Je suis d'accord avec toi, moi. Vous étiez sur Canal Sud. Jusqu'à la mort de Canal Sud, maintenant c'est Nuisance, la radio qui nuit au sens. le cours de la tomate est en baisse. Putain, alors là on est dans la merde. On va perdre de l'argent. On va perdre de l'argent. Où est-ce qu'on va aller? On va sûrement crever à cause de la tomate, quoi, je veux dire. Ouais. Le cours de la Les tomates vengeuses, oui. C'est ça, c'est horrible. Le Joël, le putain. Attends, il y a un problème, je t'entends plus, Farid. Farid, je t'entends plus. Ça vaut pas le coup de me parler parce que je mets N'oublions pas que la soirée de ce soir a été consignée dans une bouteille. Une bouteille à la merde qui a été jetée dans une fange inopinée. Celle de l'incantabulatoire déambulation de la bulle justement jusqu'à ce que ce soit inatrophié à non plus pouvoir. Vous n'avez donc rien compris à ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Ça fait à peu près 2h30 que ça tourne et qu'on essaie pertinemment de vous dire impertinemment les choses. Et vous ne comprenez toujours pas. Et donc je vous le dis encore une fois, allez vous faire mettre, allez vous faire démettre et allez vous faire remettre la face de travers. Car vous ne méritez pas et ça c'est sûr. Donc je vais vous dire bonne année pour la dernière émission de l'année 2011 de Nuisance. Et je remercie tous les invités qui ont participé à l'émission ce soir. Ouais. Voilà, tous les invités donc. Ouais, yeah. ouais, carrément. Tout ça. La prochaine fois, on amène encore plus. Mark Farid représente. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Quoi, on voudrait aussi vous remercier, vous, d'avoir. D'avoir supporté. Ah putain, censure là. Censure, ouais, tout le monde il s'est pas exprimé. On voudrait aussi vas-y, vous. Représente. Ouais, ouais, gros. Ouais, on voudrait aussi gros, remercier Dieu. Ouais. Quel est ton blaze? Quel est ton blaze? J'ai pas de blaze. Voilà, il a pas de blaze. Je suis sans famille. Et aussi, on voudrait remercier Dieu, quoi. Quoi, moi? Salut. Ouais. Ouais. Ouais. Salut, t'as sable. Grave, né en terrain stable, moi aussi je suis né dans une étable. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Un état lamentable et après... C'est ce que je disais, donc voilà, on est tous des établis. Et donc merci à vous tous, quoi, ouais. À toutes, quoi, pour l'année 2011 qui fut une année fervente et ferveur. Inémancipée, quoi. Inémancipée, pardon. Mortel. J'espère que vous avez bien compris, quoi, et... Et donc c'est la folie dans les studios, il y a des gens, voilà. C'est la fête, ouais. Voilà. Ouais. C'est la folie, quoi, et donc on va bientôt crever, quoi, j'espère. Ouais. Voilà, donc on vous tiendra au jus, si jamais on crève, bah, on vous le dira pas parce qu'on sera mort. Ouais. Et ça ne changera pas, quoi. Les choses ne changeront jamais. Rien ne changera jamais, merci à vous. Bientôt la fin du monde, peut-être, en 2012.